Discussion en conscience avec Olivier, ici David au micro qui vous salue. Donc c'est la discussion en conscience du mois d'octobre 2020. Ça faisait beaucoup de temps que je l'avais reçu là, pour faire une émission. Alors bonjour Olivier, ça va bien? Ben oui, ça va bien toi? Oui, très bien. Donc aujourd'hui dans le cadre d'enregistrement, c'est sûr que d'entrée de jeu, j'étais curieux d'avoir la lecture que tu peux faire de la crise actuelle là, associée là, au coronavirus COVID-19. D'ailleurs, ça a été le sujet lorsqu'on avait fait un enregistrement là, la dernière fois, il y a plusieurs mois, au début de la crise, donc environ 6 mois. Et là, je voulais savoir aujourd'hui quelle était ta lecture de cet événement mondial. Je te dirais que c'est pas mal la même chose que j'aurais dit au mois de mars ou même au mois de février. C'est un retour à l'essentiel. Essentiellement, ce que ça veut dire, c'est que on retourne à qu'est-ce qu'on a vraiment besoin, on réalise c'est quoi vraiment nos priorités dans la vie. On remet en question beaucoup de comportements qu'on faisait dans le passé, qu'on ne peut plus faire à cause que certaines choses vont être interdites. On est forcé à vivre beaucoup de contrastes. Je vais au gym, je peux plus y aller. Je vais travailler, je peux plus travailler. Donc, ça, ces changements brusques-là, qui sont occasionnés par les mesures, mais aussi par différents éléments à l'intérieur de chaque individu, va faire en sorte que la personne, plus elle vit des contrastes, plus ça la ramène à un certain milieu. Ce certain milieu-là, c'est ce que je voudrais dire, le retour à l'essentiel, c'est retourner vers ce qui est essentiellement nécessaire pour qu'on fonctionne bien, pour qu'on soit bien dans notre peau, puis qu'on soit en santé, puis qu'on soit capable de pouvoir faire ce qu'on veut faire, puis pas être limité justement par toutes sortes de contraintes psychosociales cancérigènes, là, parce que tu sais, c'est anti-humain, c'est anti-esprit dans le sens grand du terme, où est-ce qu'il y a la manifestation de soi, puis l'expression, puis la créativité, mais là, c'est si ça fait l'affaire du système, pas de problème. Ça fait pas l'affaire du système, ferme ta gueule. Ouais, ben on le voit présentement avec les gens qui se font traiter de conspirationnistes, qui sont ridiculisés par les médias officiels, puis le discours unique là qu'on voit là, des grands médias de masse là, par rapport à la crise là. Ouais, mais tu sais, c'est parce que t'as bien beau étiqueter des gens comme avec des mots que tu ramènes à la sauce du jour comme complotistes puis conspirationnistes, mais ça veut rien dire parce que essentiellement, c'est un cas de chaque individu qui se pose chacun des questions qui peuvent être nuancées les unes des autres. Okay? Donc, si on part objectivement là-dedans, il y a des gens qui se posent des questions. Pourquoi ils se posent des questions? Parce qu'il y a des trous dans l'information qui est donnée. Donc, s'il y a des trous dans l'information qui est donnée, c'est normal que les gens cherchent. Mais pourquoi le gouvernement, s'il ne veut pas avoir le problème du conspirationnisme puis du complotisme, n'est pas transparent avec la population? Ben, là, la question est, oh, on est transparent. Eux, ils vont dire, on est transparent. OK, mais pourquoi le résultat de votre mouvement fait en sorte qu'il y a énormément de monde dans la société qui sont pas d'accord? On parle de maintenant 45% de la population québécoise qui sera qui sont pas satisfaits là, de la façon dont la CAQ ou ben peu importe le gouvernement gère la crise. C'est un très haut pourcentage d'humains, ça, là. Ça commence à. Puis ça, c'est dans des médias populaires. Il y a beaucoup de. Moi, j'ai jamais été appelé pour faire partie d'un sondage, soit dit en passant, de toute ma vie. Fait que je sais pas c'est qui ces gens-là qui testent, là, mais bref, s'ils disent 45%, mettons qu'on monte ça à 65%, les temps changent. Parce que moi, je vois des gens à tous les jours de différents acabits de vie. Puis c'est des gens qui sont tous. Des gens qui veulent travailler, qui ont des enfants, qui veulent faire des activités, puis les gens trouvent que c'est trop. Puis c'est de plus en plus trop, puis plus ils s'en prennent aux enfants, plus les gens, ça commence à les frustrer. Ben oui, avec les mesures sanitaires, où ce que, par exemple, des enfants ici au Québec sont obligés de porter le masque à journée longue à l'école, là, en cours de récréation aussi. On avait déjà de la misère par rapport au système d'éducation avec les problèmes d'hyperactivité, puis de troubles de comportement, puis des professeurs qui sont en burn-out, puis des gens en congé de maladie, puis les maternités, puis les ci, puis les ça, puis les profs qui essayent d'aller travailler là, qui sortent de l'université, qui peuvent pas travailler plus que 10 heures par semaine parce qu'ils n'ont pas de permanence ou des conneries de même. Ben oui, ok, tes Ben, gardes sur rappel pendant 5 ans ou 10 ans avant d'avoir un ah. poste, tu sais. C'est un manque de respect total. C'est comme genre, écoute, t'as une femme ou un homme qui est formé à l'université, qui est prêt à enseigner à un élève, puis on n'a pas de place pour toi. Comment t'as pas de place pour eux autres? Chris, t'as des classes de 30 bien pleines. Construis des Exactement, nouveaux établissements. Voyons, c'est c'est ça, quoi le problème? puis après ça, tu dis, ah, il y a une pénurie de main-d'œuvre, Mais puis. non! Je pense qu'il y en a, je sais pas si c'est 1 sur 5 ou 2 sur 5 qui lâchent la profession après 5 ou 10 ans. Là, il y a des statistiques là, où ce que les gens là, abandonnent la profession, la désertent d'enseignants, tu sais. Ben, c'est évident parce que c'est des jobs qui sont magnifiques, mais qui ont des conditions atroces à cause qu'ils sont fonc ils fonctionnent d'un système socialiste, là. Puis le problème, c'est qu'on a un système au Québec qui est pas mauvais. C'est un système qui aime l'autre, puis il est très, faut aider les autres, puis faut s'entraider, puis tout ça. Mais c'est un système qui est très faible d'esprit en même temps parce qu'il est plus dans la culpabilité que dans l'empathie. Fait que le peuple québécois, il va falloir que toute sa colère et sa frustration qui bouille en dedans de lui, là, puis en ce moment, beaucoup de gens vivent ça. Ça peut être sous forme d'anxiété, mais ce qui est en dessous de l'anxiété, essentiellement, c'est genre « tabarnak, je veux faire ça, mais je sais pas comment, puis ça me stresse parce que j'ai pas les outils. Oui, bien derrière l'anxiété, il peut y avoir de la colère refoulée, » retournée C'est de contre l'individu lui-même. l'incompétence. L'anxiété, c'est de l'incompétence dans l'esprit. C'est l'ego qui est trop opaque. Il y a de l'opacité. Fait qu'il est pas capable d'être cohérent puis d'être compétent. Puis une autre affaire, c'est que Oui. on a développé un système d'éducation qui est autour beaucoup de la théorie, puis de l'apprentissage là au niveau de la mémoire, puis tout ça. Mais les enfants, il faut qu'ils se développent à différents niveaux. Puis la meilleure chose qu'un être humain peut faire dans sa vie, c'est de développer des habiletés. Tout ça pour dire que c'est ça. Il faut développer des habiletés. OK? Ce que ça veut dire, ça, c'est que depuis un jeune âge, les jeunes enfants, il faut qu'ils apprennent à faire des disciplines ou des sports ou n'importe quoi qui les fait vibrer puis qui travaillent là-dessus sur le long terme. Puis c'est comme ça qu'ils vont devenir capables de voir puis de comprendre le processus de la vie puis le processus de comment les choses fonctionnent. Parce que quand il faut que tu développes une habileté, il faut que tu passes beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps à répéter certaines choses puis de faire des erreurs puis d'apprendre de tes erreurs puis de toujours te perfectionner à travers ce mouvement-là, peu importe le nombre de temps que tu peux pratiquer, que ce soit de l'art, de la musique, un instrument de musique, un sport, une discipline quelconque. Arriver à une certaine maîtrise dans une discipline, ça va être la seule façon que l'être va pouvoir vraiment se développer à un autre niveau. Bien, ça Parce peut que sinon. passer par là, ça peut passer par différentes formes, là. Tu sais, la personne n'est pas obligée d'être un athlète dans un Je sport parle où. pas d'un athlète. Je parle que quelqu'un, il faut que l'homme, avant là, de parler que quelqu'un est dans son esprit, là, il faut qu'il soit capable d'être en maîtrise d'au moins une affaire. Idéalement, son individualité. Exact. Mais il faut qu'il soit en maîtrise d'une affaire. Parce que quand tu arrives à la maîtrise d'une habileté, tu réalises justement qu'il y a quelque chose qui t'habite, qui fait la job à ta place. Ça te fait prendre compte de ça, que dans le fond, tout ce que tes mouvements sont spontanés puis sont cohérents avec le mouvement de ce qu'il y a en avant de toi. Mettons qu'on fait des arts martiaux, par exemple, ou des gens qui jouent de la musique ensemble. Il s'installe comme un flow. Puis dans ce flow-là, tu viens à vivre une très grande intimité. Puis justement, ça t'approche d'un regard sur la société qui est beaucoup plus objectif parce que tu es capable de te mouvoir dans la problématique. Tu sais, mettons là que Ben, c'est demain intéressant matin, le tu as plus de concept que job. tu amènes de se mouvoir dans la problématique parce que présentement, comment se mouvoir intelligemment avec les mesures très contraignantes qu'on subit au Québec et dans d'autres pays, là? Ben, c'est facile. On a le temps en ce moment de faire des choses qu'on aime. Fait que pourquoi qu'on fait pas des choses qu'on aime? Notre frustration, elle vient de là. Puis sais-tu quoi? C'est pire que ça. Il y a des gens qui savent même pas ce qu'ils aiment. Imagine-tu comment tu peux pas avoir de feu ou de capacité d'agir si tu sais même pas ce que tu veux, tu sais même pas ce que t'aimes. Puis il est là le gros problème, parce qu'on a désemparé l'humain, à partir de son jeune âge dans notre système d'éducation, de son identité. T'es comme, t'es en probation, là. T'sais, ouais, quand tu vas avoir atteint ce niveau-là, on va peut-être te considérer quelqu'un. T'es pas déjà considéré quelqu'un. Puis le monde, il t'écoute pas, t'sais, quand t'es un enfant. Il écoute pas, c'est quoi que t'as le goût de faire, c'est quoi qui te fait vibrer. Les parents, ils envoient n'importe où. Ben ça Fait que dépend, deviennent. faut pas généraliser. Il y a des parents Ben qui sont écoute, écoute. attentionnés, oui. Je dis pas que les parents sont pas attentionnés, là. Fais attention à ce que tu dis là. Je veux pas que ça distorsionne ce que je dis. Les parents sont très attentionnés, mais il ne s'agit pas d'être attentionné, il s'agit d'être intelligent dans le mouvement de comment on traite avec l'enfant pour que justement ça soit bénéfique. Des fois, c'est pas bénéfique. Tu sais, sur envoyer un enfant faire des activités versus ne pas le stimuler pendant tout, ça a le même impact qu'il faut trouver un juste milieu. Puis les parents font leur possible, évidemment. Mais je pense que beaucoup de gens qui pensent avoir des enfants ou qui ont des enfants devraient s'instruire d'une certaine base de psychologie, parce que sinon, c'est une catastrophe en devenir. Exactement. D'autant plus que là, la situation que subit les enfants à porter le masque à journée longue, dans le cas de plusieurs Québécois, où ce qu'ils sont obligés d'être à 2 mètres des autres, sont séparés des amis, puis on les plante devant l'ordinateur pour faire des cours. Moi, je suis curieux de voir l'impact que ça va avoir sur leur développement, là. Ça va avoir un impact important parce que justement, l'enfant, il est déjà coupé une certaine capacité de lire. Le masque, là, ça bloque le visage. Plus tu as accès au visage, plus tu peux lire la personne, plus tu peux comprendre, tu peux lire entre les lignes. Tu peux avoir un échange qui est plus télépathique avec le body language puis le visage. Encore avec les yeux, tu es capable de faire une lecture, mais c'est beaucoup moins précis. Puis surtout pour un enfant qui se développe puis qui habitue à des échanges relationnels avec différentes personnes dans sa société, s'il n'est pas en contact avec le visage, il va avoir beaucoup de misère à saisir un message. Puis quand tu ne comprends pas parfaitement ce que l'autre dit, ça crée une certaine anxiété à l'intérieur. Fait que l'enfant, il va se développer avec une certaine anxiété, non seulement de pas être capable de communiquer parfaitement avec les autres à cause du masque, d'être limité dans ses contacts à cause des, je sais pas comment ils appellent ça, des bulles classe ou des ces Ben conneries-là. oui, ben là, on enferme les jeunes dans des bulles. Là, après ça, il faudra pas les accuser tantôt qu'ils vivent dans leur bulle, là. Ouais, mais c'est sûr que les enfants vont de plus en plus se retirer intérieurement parce qu'ils seront plus capables de vivre là-dedans. Ça va être comme un trauma. C'est ça, exactement. Moi, j'ai l'impression que ça, dans certains cas, ça va les traumatiser, mais ça peut les amener à un niveau d'intériorisation supérieur qu'ils n'auraient pas atteint si leur attention serait tout le temps focussée sur l'extérieur, puis ils auraient plein d'amis avec lesquels jouer, tu sais. Exactement. Tu sais, tout ça, le mouvement du coronavirus dans le monde, c'est très intelligent. Ce qui se passe en ce moment là, c'est très, très intelligent. Il y a un mouvement très intéressant, un renversement vers le développement d'une nouvelle conscience, mais pas au niveau collectif, mais individuel. Ça veut dire que c'est comme si ça l'enclenche une nouvelle génération qui va pouvoir se développer dans des avenues un petit peu plus perfectionnées qu'ils pouvaient avant. Ben moi, je trouve À que ça cause. oriente implicitement le développement des jeunes puis des individus en général vers le télétravail, vers tout ce qui est le développement informatique très rapidement, au détriment de l'investissement dans l'activité physique comme le sport en groupe. Oui, sauf que ce qui va arriver, c'est qu'à un moment donné, là, quand on va tout être dans le télétravail, puis on va être dans ci, puis on va être dans ça, là, dans toutes ces affaires de technologie-là, là, puis qu'on bougera plus, puis on va être à la maison tout le temps, puis on sortira jamais de la maison. On va réaliser à un moment donné qu'on va se demander pourquoi qu'on vit. Tu comprends-tu que la vie, c'est faite pour être vécue? C'est pas faite pour être pensée. Non, c'est ça nous amène à Tu rester dans la tête, puis l'intellect, puis ouais. sais, moi, les gens qui me disent « Ah, oh, j'ai eu peur du coronavirus. » T'as eu peur du coronavirus? Écoute, la maladie, là, je vais dire comme Bernard disait, là, la maladie, c'est pas de la maladie. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que quand t'es malade, là, c'est pas quelque chose que t'as pogné, c'est quelque chose que t'as besoin de vivre pour passer à une autre étape dans ton fonctionnement physiologique et psychologique. Puis ça t'amène plus loin, dans une plus grande compréhension de comment ça fonctionne, cette affaire-là, la machine qu'on a, là, qu'on appelle le corps humain, puis comment ça se relie à l'esprit, puis comment qu'il y a un travail qui doit se synchroniser l'un avec l'autre. Puis ça peut se manifester à travers toutes sortes de choses, que ce soit la maladie ou n'importe quel choc. Un décès, un accident, une blessure, quelque chose. Tout ça, là, ça nous amène toujours de plus en plus proche de qu'est-ce qu'on est vraiment. Puis une fois que tu sais ce que tu es vraiment, là, ben, tu te promènes pas avec une peur du coronavirus ou des mises de protection de masque puis tout ça. Parce que tu sais déjà que si tu as à pogner ça, c'est intelligent. Parce que tu t'obstines plus avec la vie. T'sais, l'ego, tu voudras bien croire ce que tu veux là, par rapport à la vie. Là. La vie, ça va toujours avoir raison. Parce que ça fonctionne malgré toi. Ça va dans une direction malgré toutes tes Exactement. croyances C'est puis tes ça. Puis toutes conneries. les mesures de contrôle. Tu sais, si on regarde au Québec, il y a plein de mesures de contrôle qui ont été mises en place. Puis finalement, il y a toujours des cas qui nous sont présentés comme étant atteints du coronavirus, même après le masque, le 2 mètres, la fermeture des restaurants, la fermeture par la suite des salles d'entraînement, ci pis ça. Il y a On tout. va faire une logique bien simple. Okay? Oui. Rappelle-moi, je vais avoir des chiffres qui sont inexacts, malheureusement, parce que je n'ai pas cette mémoire-là, mais je vais les donner des environs. Okay? Si je me rappelle bien, il y a eu une période entre juin et juillet où est-ce que c'était un silence radio total de tout ce qui a rapport avec le coronavirus ou les cas. Il n'y avait plus de point de presse. Il y a eu un silence politique. Okay? Puis après ça, là, il a commencé à avoir 50 cas par jour, 54 cas par jour, 70. Oh, les 100 cas dépassés au Québec, va! Ben! OK? Il y a eu Oui. ça là, pendant un bout. Là. Puis après ça, c'était genre, on suggère le masque, là, le masque dans les transports en commun, puis ta-ta-ta. Puis le monde était comme, ouais, OK, ouais, mais non, ils mettront jamais ça obligatoire, puis ci, puis ça. Puis là, à un moment donné, oh, 18 juillet, là, c'est masque obligatoire dans des lieux publics fermés. OK. Fait que là, moi, j'ai essayé ça pendant 2 jours. J'ai pas trippé sur cette mode-là, là. Fait que j'ai désactivé. Puis là, depuis ce temps-là, je l'ai désactivé, puis je me sens beaucoup mieux. Mais pendant ce temps-là, il y a des gens qui l'ont pas désactivé. Fait que là, ils ont continué à porter des masques. Puis ce qui a été surprenant, c'est que les cas étaient toujours stables jusqu'à ce qu'on arrive à peu près au mois de septembre. Puis là, à un moment donné, ça a commencé à monter jusqu'à 1000. Brrr. Ouais. Puis là, on était à 1000 cas. Mais il n'y a jamais personne qui s'est remis en question par rapport aux mesures qui sont en place. Là, ils vont faire une espèce de délire psychotique. Ouais, mais c'est. Imagine si on n'avait pas de masque et de 2 mètres. Ouais, ça serait encore De quoi pire. tu parles, man? De quoi tu parles? C'est de la pure bullshit. Écoute, le monde y croit au petit Jésus, je comprends, là. Mais ça, c'est la même affaire. Ben, C'est j'ai peut-être l'impression que. qu'on est dans une religion sanitaire. Ben oui, on est dans une religion sanitaire. Parce que Autrefois, c'est les gens ça. ont besoin de croire quelque chose. Ben, c'est ça. Puis Horacio Oudon nous a déclaré qu'il avait sauvé de 30 à 40 000 personnes avec le confinement au printemps de 2020. Il n'y a pas d'homme dans la politique, dans toute la province de Québec, OK? Puis dans Oui. l'exopolitique, à l'extérieur de la politique, qui pourrait peut-être embarquer là-dedans, mettant Duhem, puis Cossette, puis tout ça. Il n'y a personne qui a de l'esprit. Tabarnak. Puis là, la frustration au Québec, c'est tu sais quoi? C'est parce qu'il n'y a pas de relève, il n'y a pas d'opposition, pas parce qu'on est dans une dictature, parce qu'il n'y a pas de monde qui ont de l'intelligence plus que ça. Puis est là la frustration dans le peuple québécois qui est au cœur de tout ça. C'est genre, voyons qu'on peut être cave de même. Ben, c'est pas qu'on est cave, c'est juste que il n'y a personne qui a osé avancer autre chose. On est tout le temps dans des vieux modèles. Des modèles, Chris, qui datent quasiment de la Révolution tranquille. Tu sais, c'est comme, genre, faut Ben, évoluer à un moment donné, là. attention ici, moi je fais des enregistrements avec des invités qui visent à aller dans un sens différent de ce qu'on nous propose. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, c'est-à-dire que j'ai interviewé au fil des mois là, des gens qui œuvrent dans le domaine de la conscience supramentale, je pense entre autres à Marc Delasalle, qui nous Ben oui. propose une vision totalement différente des médias officiels ou même de médias alternatifs. Ouais, mais où tu vas en venir avec ça? Ben, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont de l'esprit. Sauf que ces gens-là vont pas nécessairement aller sur la scène politique présentement, là. Non, non, je sais, mais il n'y a personne qui manifeste des idées créatives pour améliorer le sort de la problématique au niveau matériel, politique, psychologique. OK. Des outils. OK, mettons, ah, bon. Faisons des tests rapides qu'on va vendre en pharmacie, comme ça on va désengorger les centres de testage, puis on va éviter que les gens se rassemblent ensemble. Parce que tu sais, on ne veut pas qu'ils se rassemblent, ils sont tous ensemble dans des centres de tests. Bon. Fait que dans toutes les pharmacies à travers le Québec, tu es disponible à un test comme ils font aux États-Unis. Ça coûte, mettons, je ne sais pas moi, 5 à 10 $. Tu fais le test, tu l'envoies, puis tu reçois, tu envoies ça avec ton email, là, Ouais, avec un QR code, là. Puis après ça, il te renvoie ça directement par texto sur ton téléphone. Puis là, tu as toutes les informations que tu as besoin de savoir. Ça existe déjà. Okay? Nous autres, non, on ne travaillera pas avec ça. On va travailler avec des fax. Parce que nous autres, on vit dans l'URSS. On travaille avec des fax. Les fax, là, c'est la pire connerie que j'ai jamais vue de ma vie, là. Ben, On a des courriels. on est arriéré, c'est sûr, là, tu sais, c'est... Ouais. T'sais, tu peux pas demander à la population de faire confiance à un gouvernement qui t'arrive à chaque jour quasiment avec des décès, puis t'en as deux là-dedans qui est marqué date inconnue. Ouais, c'est ça. Comme le Doc T'sais, moi, Mayhew, là, je me ouais. pose des sérieuses questions quand tu me dis que tu as 1000 cas par jour, mais que tu n'es pas capable de comptabiliser deux décès. Comment c'est possible? Soit vous êtes en retard parce que, Chris, vous avez abandonné les CHSLD, puis il y a des cadavres qui rôdent partout, puis il s'en est pas rendu compte encore, puisqu'il n'y a personne qui a travaillé. Ou bien, ils sont juste pas capables de relier de l'information. Puis si c'est le cas, ben, je me demande quel genre de système d'information ils utilisent, parce que n'importe quelle grande société ou grande business ou grande corporation va avoir des systèmes de technologie extrêmement avancés qui vont permettre du rendement. Un rendement qui est assez important pour générer beaucoup de profits, puis qu'à chaque année, ce rendement-là s'améliore. Non, Un exactement. gouvernement puis un système gouvernemental en termes d'éducation, de santé, de ressources, de miniers, de tout ça, ça devrait fonctionner aux échelons supérieurs de la science de ces départements-là. Sinon, pourquoi t'envoyer de l'argent là? Tu sais, tu devrais la garder pour toi puis dire, c'est beau, moi je vais acheter C'est ça, mais ce qu'il faut des comprendre, c'est que le consultations. gouvernement soit efficace ou pas efficace. Eux autres sont là pareil. Fait que, tandis que dans le privé, une entreprise qui n'est pas efficace, tôt ou tard, va être détrônée par un autre qui est plus compétitif. Tandis que le gouvernement, il y a un monopole. T'sais. C'est comme la SAQ, si les vins coûtent trop cher, ben les gens sont gardés captifs ici au Québec parce que c'est le gouvernement qui vend l'alcool. Fait qu'ils ne peuvent pas aller voir ailleurs. Fait que, qu'ils soient bien servis ou plus ou moins bien servis par le système, c'est pas grave parce qu'ils conservent le contrôle. Le problème au Québec, c'est un problème de spécialisation. Il y a OK. beaucoup trop de spécialisation dans chaque affaire, puis il y a de la spécialisation qui est importante. Mettons, bon, un neuropsychologue, un neuropsy, excuse, ouais, c'est ça, versus un neurochirurgien, c'est des spécialisations différentes, mais qui sont également importantes l'une de l'autre, OK, qui travaillent conjointement ensemble. Mais tu sais, quand que tu as genre, directeur des services sociaux, puis après ça, assistant directeur des services sociaux, puis superviseur de ta-ta-ta-ta-ta-ta, puis c'est tout du monde qui travaille dans des cubicules, dans des bureaux, qui boivent du café toute la journée, puis qui sont à côté de l'imprimante, puis tu sais pas vraiment c'est quoi leur job. Ça, c'est pas des bonnes spécialisations. Fait que ça, puis là, après ça, t'embarques les syndicats là-dedans qui protègent tout ce monde-là pour pas qu'ils perdent leur job. Essentiellement, c'est des assistés sociaux qui font semblant de travailler. Je dis pas qu'ils font semblant de travailler. Évidemment, ils font une job, là. Mais il pourrait avoir plus de rendement pour moins. T'sais, si tu engages une couple de personnes super sharp qui font juste ça, puis tu réduis, t'sais, les intermédiaires, t'sais, dans le fond, tu n'as pas besoin d'avoir 45 sous-chefs, là. Tu peux en avoir genre 4-5, là. Puis de réduire la grosseur des départements, puis des branches de départements. T'sais, faire des affaires dans simplicité, comme la nature, tabarnak. La nature, quand les arbres, ils poussent, là, ils poussent dans une simplicité, puis Mais dans c'est pas ce une. qu'a fait mon cher avec Gaétan Barrette et sa réforme, c'est-à-dire comme ici là où on a le CI. Je peux pas t'en OK. parler, je suis pas au courant de ça à cette époque-là, Ben mais tu c'est, peux en m'en fait, pour une parler. histoire courte, c'est qu'autrefois, les hôpitaux étaient gérés d'une manière indépendante pour une région. Puis là, tous les hôpitaux de Chaudière-Appalaches, avec le CISSS, ben ils sont tous reliés ensemble dans un réseau. Ce qui fait en sorte qu'au lieu que chacun des hôpitaux du secteur de Chaudière-Appalaches, ici au Québec, sont tous gérés par la même entreprise, qui vont englober, dans le fond, Thetford Mines, Lévis, Montmagny, Saint-Georges. Fait que l'idée derrière ça, c'était de justement d'enlever des postes dans la bureaucratie, puis qu'il y ait une gestion qui se fasse sur plusieurs établissements par les mêmes personnes dans la bureaucratie. Le Donc réduire problème, la c'est taille de qu'ils font l'État. juste renverser l'argent de poche, dans le sens que ils changent. Au lieu de l'investir dans un système comme de différents hôpitaux qui ne communiquent pas ensemble, ils disent, oh, on va engager une grosse firme qui va tout gérer, on va leur donner plein d'argent, eux autres vont en prendre plus que ce qu'ils ont de besoin. Puis finalement, ils vont devenir des intermédiaires, mais des intermédiaires qui vont altérer la possibilité de chaque hôpital puis de chaque médecin qui travaille dans les hôpitaux, les infirmières, de faire la job comme il la faisait avant. ça va réduire la. Ils réduisent comme la capacité de fonctionner. Puis on a la preuve, là, parce qu'on les voit, ils sont tous fatigués, ils sont à bout, ils sont en crise. Puis ils sont là, des fois sur Twitter, puis ils sont là, hey, tu devrais voir des hôpitaux, là, tu dirais ça, là, le COVID, tu vas voir, c'est bien réel. Je dis pas le contraire, mais c'est-tu la COVID qui est en train de vous traumatiser ou c'est vos conditions de travail? C'est ça que je me demande, là. Ben, c'est une T'sais, bonne à un moment question. donné. C'est une bonne question. Quand on regarde le problème des infirmières, que ça fait des années qu'ils se ramassent à faire des chiffres de 16 heures en ligne, avec le temps supplémentaire obligatoire parce qu'ils font partie d'un ordre professionnel, puis l'effet domino qui s'entraîne, parce que c'est sûr que s'il y en a une qui est malade, l'autre la remplace, fait qu'elle fait 16 heures en ligne. Après ça, elle est brûlée, elle ne peut pas rentrer dans son chiffre le lendemain. Fait que y a beaucoup de cafouillage puis de problèmes dans le réseau. Puis, en lien avec ça, ben là, c'est sûr, il y a la crise sanitaire, mais moi, la façon que je vois ça, c'est que le réseau était déjà très faible. Fait qu'il suffit que quelqu'un qui souffle un peu, puis ça s'écroule comme un château de cartes qui est très fragile, exposé à une moindre brise de vent. Mais je vais vous expliquer pourquoi il est faible. Il est Oui? faible, le système, parce qu'il n'est pas basé sur la réalité de la santé, justement. Nous autres, là, on a un système de santé qui se base que le corps, c'est un imbécile. Puis que tous ses comportements, c'est juste des symptômes de son imbécilité. Puis déjà, quand tu pars avec des fondements comme ça, dans le sens que tu pars avec un fondement pharmacologique à la médecine, où est-ce que tu guéris quelque chose avec quelque chose qui est à l'extérieur de toi-même, déjà, tu es faussé. Fait que tu pars avec d'emblée avec ça. Je dis pas que on n'a pas besoin d'un système matériel, théorique, appris, des différents mécanismes du corps humain, comment un os ça brise, comment le réparer. Ça, c'est très important. Faire des opérations. Mais on peut aller plus loin que charcuter constamment le corps humain, là, t'sais, il existe des technologies. Il va falloir qu'on comprenne qu'on est des êtres de fréquence. Des aides de fréquence, quand ça vibre, ça vibre pas au diapason avec qu'est-ce que c'est supposé vibrer, ça crée des ondes de choc. Puis ces ondes de choc-là, ça rend les gens malades. Puis je comprends que c'est très éthéré comme façon de l'expliquer, mais quand quelqu'un vit un stress, puis qu'il vit de la tristesse, puis qu'il vit de l'incapacité de s'exprimer, puis qu'il est triste parce qu'il se fait chicaner à son travail, puis des conflits avec ses employés, t'sais, des gens, ils rentrent à la maison le soir, là, c'est comme s'ils avaient fait un combat toute la journée, là. C'est pas facile, là. Il faut Exactement. vraiment développer une grande, grande capacité de comprendre ce qui se passe pour être capable de passer au travers, parce que sinon, ça va être de pire en pire. Non, c'est ça. Puis la médecine occidentale, ben, c'est souvent la surface des choses, la dimension physique. On s'intéresse pas à la di on, très peu, un petit peu aujourd'hui, à la dimension émotionnelle, mais pas du tout à la dimension psychique ou vibratoire ou supramentale. C'est bien correct, c'est bien correct, mais faites donner de la job aux ostéopathes, aux physiothérapeutes, aux kinésiologues, aux nutritionnistes, à du monde comme moi qui font de la massa du massage, toutes sortes d'affaires de même, qui connaissent le corps humain, la psychologie, tout ça. Tu sais, donnez-nous de la place, déléguez votre ouvrage, donnez-en à d'autres personnes pour pouvoir vous concentrer sur ce que vous êtes vraiment bon, parce que le système de santé n'est pas bon pour tout traiter, là. Ben non, Il peut pas exactement. traiter des problèmes reliés au stress parce que la personne elle accroît une pensée qui est toxique dans sa tête comme si c'était elle qui pensait ça tout le temps. Tu peux pas régler ça avec des pilules. Ça marche pas. Puis moi, quand je nommerai pas des noms, mais j'avais une bonne amie qui travaillait comme infirmière dans un centre psychiatrique. Puis je peux te dire une chose, là, les conditions de travail de ces jeunes filles-là, là, qui avaient 23, 24 ans, là, travailler avec des gens qui sont possédés par des entités sur des pilules pendant 16 heures de temps sans dormir, puis faire des doubles, puis des shifts en overtime, puis tout, c'est pas bon pour la santé. Ben non, surtout qu'ils n'ont pas une formation, un exorcisme, puis faire face à l'astralité des gens, puis de la contenir là, dans leur cursus scolaire. Fait que, tu sais, c'est la pilule permet de geler la personne, mais ça règle pas le problème de fond, dans le sens c'est possédé, ça déloge pas l'entité. Ah oui, puis. À travers ça, tu as tous les gens là, qui tripent sa conscience, là, puis qui veulent parler de la conscience, puis tout ça, là. Puis là, tout ça, c'est en train de faire un gros cafouillis, cette petite boîte là, d'astral sophistiqué d'un bord, puis crasse l'autre bord. Puis là, ce qu'il y a en ce moment dans notre société, c'est beaucoup une guerre de religion, de polarité, de croyances, Ben là, au lieu présentement, on le d'avoir. voit, c'est ça avec le mouvement des pro-mesures sanitaires. pro-port C'est quoi du ce masque. mouvement des pro-mesures Ben, sanitaires? les gens qui sont de l'avis que c'est une bonne chose qu'il y ait des mesures sanitaires, puis les gens qui s'y opposent, puis qui sont contre le port du masque, entre autres, là. Ben, je pense que ces gens-là, ils sont contents d'être en congé. Ben, Je pense c'est. pas qu'ils sont pas pour les mesures sanitaires, ils sont contents d'être en congé puis ils veulent rester en Ben, il y en congé. a qui c'est un prétexte par rapport à ça, puis ils ont des bénéfices secondaires, c'est sûr. Si le professeur, il gagne le gros salaire, il est syndiqué permanent, puis il est payé à rien faire chez lui, c'est sûr qu'il y a, il y a des bénéfices, là, tu sais. Ben, c'est ça. Les gens voient toujours la vie basée sur leur vie à eux, au niveau de l'ego. Donc, c'est évident qu'ils vont toujours te dire, ouais, ben là, c'est pas si pire, moi, je me sens pas brimé dans mes libertés. Ben oui, je comprends ça, il n'y a pas de problème. Mais tu peux pas penser que tout le monde est comme toi, parce qu'il y a des gens qui se ressentent. Toi, tu te ressens pas. Toi, t'as pas d'identité. Fait que toi, porter des masques avec des fleurs, puis aller, puis de te tenir dans ton petit rond vert, là, à l'épicerie, là, toi, tu trouves ça bien cute, tout ça. Mais moi, c'est un viol. Parce que moi, je sais la grandeur de l'intelligence qui nous habite, puis je sais que ça, c'est subalterne à un niveau tellement bas que ça mérite même pas d'être approché. Ben c'est ça, c'est une infantilisation des citoyens. Mais Ben oui, tu sais, ce que je tu me voulais dire diras quand pas comme. même, c'est qu'il y a, Vas-y. plusieurs motifs. T'sais, il y a des gens qui ont des bénéfices secondaires, mais juste, dans le fond, ajuster mon propos. Oh oui. Parce que c'est sûr que, bon, il y a des professeurs, sincèrement, qui veulent enseigner, là. T'sais, c'est pas tout du monde Ben paresseux, oui. là. Mais je voulais ajuster mon propos aussi dans le sens qu'il y a des gens qui ont sincèrement peur du coronavirus, t'sais, C'est très peu, c'est très très Ben, peu. moi, j'en connais. Mais Ma mère a peur de ça. Et je peux quand même en parler. Après le premier confinement, elle restait chez elle. Elle avait peur de sortir dehors pour aller faire son épicerie. Elle a été tellement conditionnée pendant plusieurs semaines que là, il a fallu que je l'accompagne, puis je parle avec elle pour tranquillement désamorcer les choses, puis qu'elle fasse des choses normales comme aller faire l'épicerie, tu sais. ces gens-là, ils ont juste besoin d'avoir quelqu'un qui dit, t'as peur de quoi, là? Bon, mais j'ai peur de pogner le coronavirus, OK? Parce que ça te ferait vivre quoi? Fait que là, il va avoir une réponse. Puis là, après ça, ouais, mais ça vient de où ça? Puis à un moment donné, s'il n'y en a plus. Parce que il faut toujours que les gens comprennent qu'ils ont peur, pas dans la forme. Ils n'ont pas peur d'une forme. Ils ont peur de pas savoir quoi faire quand ils vivent certaines choses. Parce qu'ils sont pas habiles. Puis ça revient à ce que je disais au début. Si t'as pas d'habileté dans la vie, là, si tu sais pas construire quelque chose, réparer quelque chose, bouger ton corps, faire différentes activités, jouer de la musique, parler, bien t'exprimer, t'sais, si t'as pas une certaine maîtrise d'un art, là, ta vie, c'est vraiment exécrable. Fait que c'est évident que tu vas être anxieux, puis que tu vas avoir peur d'être malade, puis peur de ci, puis peur de ça, parce que t'as déjà pas de bonheur, t'as pas de bien-être, tu vis déjà dans une crainte puis une culpabilité. Fait que c'est évident que tu files pas. Tu sais, c'est pire. Mais là, le monde, ils mettent ça toujours sur la faute de quelque chose. Ah, oh, mais c'est coronavirus. Ouais, mais si on te l'avait jamais dit, là, t'avais jamais regardé la TV, là, tu serais-tu allé dehors, puis t'aurais-tu ressenti le danger? Puis même les gens sont même pas capables de retourner à cette place-là. Je sais pas. Tu sais, moi, là, depuis le début, là, depuis que je suis parti, même quand je suis parti en Asie, là, j'ai jamais eu peur de ça. J'ai dit ça, c'est pas de mes affaires, cette affaire-là. Puis comme de fait, il n'est rien arrivé. Dans mon environnement, rien pantoute. Il se passe rien. Mais il se passe des grands décès peut-être, puis des grandes crises dans certains environnements, parce que chaque place ou chaque personne, chaque famille ont besoin de vivre leur karma. Mais tu sais, si je Puis me ça se. permets de faire l'avocat du diable avec toi, il y a des gens qui peuvent t'écouter et vont dire, ben toi, Olivier, t'es jeune, t'es en santé, mais mets-toi à la place de quelqu'un de 60 ans et plus comme ma mère ou des personnes plus âgées. Là, il y a un facteur de risque qui est plus grand. OK. Moi, j'ai 30 ans, OK? Sais-tu comment je parle? Vas-y. Ouais, ben c'est ça. Je parle comme ça, comme je parle depuis à peu près, je sais pas moi, 40 minutes. Ce que ça veut dire, ça veut dire que si à 60 ans, t'es pas capable de parler un petit peu comme ça, puis pas capable de savoir un petit peu par toi-même, ça va pas bien en crisse, là. OK? Moi, je te parle. On est supposé. Les gens, les vieux, sont tout le temps là. Nous autres, on a l'expérience de vie. Ah ouais? T'es rendu à 67, 70, puis t'as pas commencé à apprivoiser le phénomène de la mort. Chris, t'es quoi? T'es en maternelle ou quoi, là? Tu fais quoi de ta vie? T'sais, t'es dans un CHSLD, puis t'as peur de mourir. C'est sûr que tu vas mourir. Commence à Oui, ben c'est sûr que les CHSLD, c'est une résidence de fin de vie. En général, Mais les oui, gens c'est vont des rester là miroirs. pendant. Ben c'est ça, autrefois, ça s'appelait des miroirs, c'est pas pour rien. Les gens allaient là pour mourir. Fait que là, tu sais, puis ils allaient là peut-être pendant 6 mois ou 2 ans au maximum. Tu sais, les gens vont pas là pendant 30 ans. Fait que c'est clair que, tu sais, je suis pas surpris qu'essentiellement, à l'heure actuelle, ça a été des personnes âgées là, qui ont écopé du coronavirus, là. Ah, et puis tu sais, quand t'entends, ah, oh, mais vous avez pas le droit de le contacter parce que vous pourriez le contaminer. Tabarnak, mais la logique de ces personnes-là qui gèrent, c'est capoté. Écoute, c'est même pas logique, c'est rendu purement spéculatif. OK, t'es dans un mouroir, t'as 94 ans, c'est sûr que tu vas crever. C'est juste une question de 3-4 ans, là. Puis Exact. même là, ta vie, c'est tellement de la marde là-bas. Surtout si tu peux pas voir ta famille, puis tes petits-enfants, puis tu peux pas bénéficier du contact avec les gens que t'aimes. Mais eux autres, ils ont dit, ah, oh, on va couper. Non, faudrait pas les infecter. Ah, ouais. OK. Fait que, je vais juste amener ça de même, là. Ben, ben soft, là. Mais imaginez, là, OK, si on dit que la raison pourquoi qu'on est vivant, c'est l'amour, la passion, les intérêts qu'on a, les gens qu'on a dans notre vie, c'est ça qui nous rend, qui nous fait nous lever le matin, mettons. Puis il y en a que c'est beaucoup plus que d'autres, il y en a qui sont très attachés à leur famille. Si ces gens-là, du jour au lendemain, tu leur enlèves ça, c'est quasiment si tu les déploguais. T'es déplogues. Puis là, on dit, ah ben ça n'a pas rapport, là, ils vont pas mourir à cause de ça. Comment tu peux être déconnecté là, à ce point-là de penser que une personne de cet âge-là, qui est habituée de voir des gens de façon répétitive depuis des années, de toujours la même façon, tu y enlèves ça du jour au lendemain, tu lui donnes plus sa supplémentation en vitamine D, tu lui donnes plus ses médicaments comme il faut, tu t'occupes plus d'eux autres, puis après ça, tu dis que c'est mort de COVID-19. Moi, là, je comprends que vous avez le droit Exactement. de Puis en dire ce même que temps, ils vous se voulez, là. protègent parce qu'ils ne permettent pas qu'il y ait des autopsies. Ouais, mais les autopsies, qu'il y aurait des autopsies ou non, c'est une évidence. La seule raison pourquoi qu'on n'est pas capable de l'accepter, c'est qu'on est tellement incompétent au gouvernement parce qu'on fonctionne avec des vieux mécanismes. On fonctionne toujours dans, on va prévenir quelque chose avant même qu'il arrive. Au lieu de regarder ce qui se passe, puis d'agir toujours à l'échelle de la sévérité de ce qui se passe. Ça s'appelle être intelligent avec ton mouvement. Quand tu te bats avec quelqu'un, là, dans un combat, là, tu vas pas plus que lui, tu t'ajustes, vous travaillez ensemble. Tu montes le rythme graduellement. Fait que si la COVID-19 elle arrive, bon, OK, tu la regardes. Bon, OK, ça a l'air d'être dangereux dans les CHSLD, puis pour les vieux, c'est une pneumonie, c'est problème inflammatoire, c'est un problème de tempête de C-réactive protéines, ce qui fait en sorte que ça fait comme un effet de choc dans l'individu qui l'amène quasiment à crever de ça à cause du gros stress que ça produit. Toutes des choses qu'en santé, on est supposé capable d'être traité, là, parce qu'il n'y a quand même pas des choses qui sont complexes, là, c'est pas mystérieux, l'inflammation, là. Pas en 2020, là. Mais là, on est mystifié, là, par tout ça, la COVID-19, là, on ne comprend pas, puis on dit qu'on comprend pas, mais dans le fond, c'est pas qu'on comprend pas, c'est qu'on empêche les gens de travailler. On empêche les gens de faire ce qu'ils doivent faire, parce que d'un coup, tu pognerais quelque chose. Mais c'est parce qu'il faut se référer aussi dans les années passées. Il y a beaucoup de gens qui manquent du travail à cause de la grippe. Il y a beaucoup de gens qui Exact. meurent de la grippe. Je ne dis pas que la COVID-19, c'est la grippe, mais dans la vie, il arrive des oppositions. T'sais, il y a des pays dans le monde, là, des fois, qui se font des tsunamis, là, puis ils se font ravager, là, puis il n'y a plus d'économie, il n'y a plus rien, là. Il faut qu'ils reconstruisent de zéro. Il y a des chocs. Il faut passer à travers les chocs. Il faut reconstruire. On ne peut pas fonctionner constamment à genoux, puis attendre, puis être en dessous du bureau, comme ils nous disaient là, avant. Là. Rester en dessous d'un bureau là, au cas où que les Russes attaqueraient avec une bombe C'est nucléaire. Mon ça. père, il me disait ça quand il était jeune. Ben oui que ça va aider que tu es en dessous de ton bureau. T'sais, arrêtez de prendre le monde pour des imbéciles. Exactement. Mais là, on nous a dit, portez votre masque au cas où que le virus, dans le fond, au cas où vous pourriez contaminer les autres avec le virus, tu sais. C'est parce que ce qui arrive avec le masque qui est intéressant, c'est que si tu vraiment t'es dans un environnement qui est adapté à ce que tu devrais ou tu devrais vivre, que tu le portes ou tu le portes pas, le masque, ça change rien parce que les gens sont tellement épuisés qu'ils portent plus attention à ça. Ils ont tellement pris pour acquis que tout le monde a un masque que quand t'en as pas, ils s'en rendent même pas compte. Ça, c'est une observation que je fais là, présentement depuis une couple de mois. Puis je trouve ça particulier parce que je pensais que les gens nous voyaient, tu sais, ils pouvaient, hey, t'as pas de masque! Ils voyaient pas. Ils s'en rendent pas compte. des fois, j'ai des rencontres avec trois de mes boss, des actionnaires, puis des gens avec qui je travaille. Tout le monde est démasqué autour de la table, on est genre 4-5, puis moi je suis là, j'ai pas de masque, puis personne ne dit rien. Ben, c'est-à-dire qu'il y a un règlement qui existe, parce que le décret, je l'ai regardé, là, qui rendait obligatoire le masque là, au 18 juillet. Puis une des clauses du décret que si la personne est sur son lieu de travail en tant qu'employée, elle n'est pas tenue de porter le masque. Mais vois-tu, ça, c'est écrit, puis je sais, je l'ai déjà vu, ça. Oui. Sauf que, à cause que tout le monde a pris pour acquis que c'était partout, tout le monde a commencé à le mettre. Fait que là, c'est comme, tu peux pas ne pas le mettre. Comprends-tu un peu ce que je veux dire? Ouais, c'est devenu une norme sociale. C'était Ouais, l'objectif mais d'ailleurs. les gens, en Oui. général, ils lisent pas les décrets. Ils regardent Ben les non, grandes lignes, là. exactement. Ah, oh, l'heure est grave à Québec. OK. Là, t'as petit la bombe. Là, on a besoin du tramway, là, puis du troisième lien. Puis, tu sais, c'est des débiles, là, ce monde-là, là, tu sais, dans le sens que, pas qu'ils sont débiles, ils sont très compétents dans ce qu'ils font, mais ils sont complètement à côté de la traque. Ils ont perdu contact avec c'est quoi l'être humain, puis sur quoi, dans quel contexte tu vis, là. T'es un micron sur une planète, là. Tu sais, dans un système solaire avec un immense fission nucléaire qu'on appelle le Soleil, qui est des milliards de fois plus gros que la Terre. Puis toi, t'es là avec tes conneries, là, que tu penses que tu vas protéger. Puis quand j'entends les gens dire une mort, c'est une mort de trop, tu te prends pour qui, tabarnak? C'est ça, Pour c'est qui vous vous prenez pour dire ça? Faut vraiment avoir l'audace, là, de dire ça, là. Ça sous-entend que toi, tu sais comment la vie, ça marche, puis que la vie, c'est pas intelligent. Ah, oh, c'est une coïncidence, il est mort. Il y en a pas de coïncidence. Il y a pas de. Écoute, personne ne se pose la question. Comment ça se fait que j'ai 30 ans, puis ça fait 30 ans que le soleil se lève, puis il fait toujours les mêmes affaires? Personne ne se pose la question. Genre, il n'observe pas les changements de cycle. Il ne voit pas qu'il y a un ordre à tout ce qui se passe, parce qu'ils ne sont pas présents. Ils sont tous dans la croyance, puis dans l'observation de ce qui se passe dehors d'eux autres, puis ils sont pas capables de manifester. Ils n'osent pas parler, ils n'osent pas dire oui, ils n'osent pas dire non, ils n'osent pas s'avancer. Par peur de se faire confronter, Ben, tu quoique là, on a vu des gens qui se sont avancés. T'sais, je pense à Maxime Ouimet, là, le policier, le ex-policier de Laval, qui a sorti publiquement pour dire qu'à Laval, les policiers, les mesures à l'interne, ils ne portent pas le masque, ils sont pas à 2 mètres. Puis il a dévoilé des choses par rapport à. Puis il a critiqué des choses, puis il y avait gros rapport. On parle quand même d'un poste de policier, il disait qu'il gagnait à peu près 100 000 $ par année. Fait qu'il y a des gens qui ont quand même, à un certain niveau, bougé pour amener une vision différente là, des médias. C'est sûr que par la suite, il a été taxé de policier complotiste par TVA. c'est pas des gens qui sont dans une certaine forme de manifestation d'intelligence, parce que c'est des gens qui font juste dire ce qu'ils ont vécu, puis là sont révoltés ou sont dans un ah là, c'est là, ça y est, là, j'ai lâché la police, là, puis là j'ai parti mon salon, puis je travaille 24 heures sur 24, puis je suis toujours à la job, puis c'est quoi ça, cette vie-là? Non, non, mais exactement, mais tu C'est du sais, monde qui vit dans des bordels de vie, là, des vies qui sont beaucoup trop rapides, beaucoup trop à excès. Puis là, ils virent sur le tas, puis ils réalisent des affaires, puis je comprends qu'ils sont des whistleblowers, puis ils nous donnent de l'information, mais c'est pas ça qui va changer le cours de la société présentement au Québec. Ce qui va changer le cours de la société, c'est quand les gens vont apporter des idées, pas des « c'est-tu vrai ou c'est-tu pas vrai » ou « j'ai le masque, c'est bon ». Non. C'est-à-dire, hey, imaginez si on essayait ça à la place. Un autre Ben modèle. justement, je vais donner suite à ton propos. Donc, Ouais. imagine-toi dans les prochaines minutes que tu deviens en charge de la gestion du Québec. Donc, tu deviens premier ministre du Québec et t'as pour mandat de gérer la crise sanitaire actuelle. Donc, qu'est-ce que tu ferais concrètement pour faire quelque chose de différent? Je ne suis pas un expert en politique, mais je vais y aller avec mon feeling. La première chose que je fais, c'est que je vais consulter tous les gérants, ou bien les gérants, les ministres, les hauts ministres, je ne sais pas comment que ça s'appelle, tous ces gens-là, mais tous les gens à la direction de chaque ministère. OK, mettons, ministère de la Santé, des Finances, ici, ça, ça. Je vais tous leur voir, là. Puis là, je vais leur demander. Je veux que vous parlez à vos gestionnaires puis les gens qui travaillent sur le terrain, puis je veux que vous nous dites c'est quoi qui marche pas. Je veux que tu me dises Je veux que tu me fasses un recensement là, de toutes les choses qui marchent pas. Tu mets ça comme dans un graphique, puis ça va être genre, mettons, n'est pas satisfaite du nombre d'heures travaillées. Là, tant de pourcentages. Puis là, plein de questions, puis avec des pourcentages de satisfaction ou de désatisfaction. Après ça, tu regardes ça avec tes hauts ministres, puis là, tu commences à établir une solution pour régler ces problématiques-là, pour pouvoir augmenter le rendement dans chaque ministère. Fait que là, en faisant ça, ce qui arrive, c'est que le ministère des Finances fonctionne mieux et est capable de prendre des décisions qui sont beaucoup plus cohérentes, qui sont beaucoup plus basées sur la richesse du Québec, mais de la population québécoise, autant au niveau des échanges économiques que le Québec bénéficie de son échange économique, OK? Pour qu'il puisse avoir l'argent qu'il mérite avec les ressources qu'il a, puis tout ce qu'il donne, puis tout, il devrait avoir beaucoup plus. Bon. Tout cet argent-là qui commence à rentrer, on le fait déborder dans le système de santé puis dans l'éducation, parce que le système d'éducation, c'est la base. Si on éduque bien les enfants, ça va faire des bons adultes qui vont être équilibrés, qui vont bien fonctionner en société, puis tu n'auras pas de problème. Ça va être beaucoup moins un problème, la santé. Fait qu'on mise beaucoup plus sur l'éducation en premier, puis la santé, il faut démolir complètement. Il faut complètement reconstruire à partir d'un système. Puis ça, ce que ça va nécessiter que les ministres voyagent à travers le monde, puis aillent rencontrer toutes les instances scientifiques, médicales à travers chaque pays, puis qui commencent à cumuler les meilleures choses de tous les pays, puis d'essayer de construire un système à partir de ça. J'en conviens que c'est complexe, j'en conviens que c'est beaucoup de travail, mais si on avait des êtres qui auraient de la vision puis une certaine paix d'esprit dans la politique, ce qu'il y aura peut-être dans des milliers d'années, on ne sait pas, ces gens-là vont pouvoir échanger avec chaque pays puis bénéficier des forces puis des faiblesses de l'autre. Ça veut dire que si lui, il est bon là-dedans, mais toi, tu es meilleur dans telle affaire, bien, tu peux y vendre ton service, puis lui, il peut te former. Mettons, je sais pas moi, une technologie pour traiter le cancer qui est plus efficace ou, tu sais, comme en Belgique, il y a des places, il y a des centres, des hôpitaux de jeunes. Il y a des hôpitaux de jeunes en Belgique. Le monde, ils vont là, puis ils guérissent de des maladies, puis on n'entend pas parler de ça ici. Non, non, on Je n'a dis pas que... jamais mis ça de l'avant pour comme stratégie complémentaire pour traiter le coronavirus. Et Jamais. ça, Ça coûte rien. stratégie, c'est l'évitement avec le 2 mètres, ou sinon on attend la venue du vaccin sauveur. Écoutez, le problème, il est là, puis je pense que la frustration du Québécois, il est là. Si je finis sur qu'est-ce que je ferais au niveau de la gestion Oui, bien politique, sûr. l'éducation, la première chose que je ferais, ce serait d'abord de recenser, OK, chaque élève avec des questionnaires complets, mettons, genre, qu'est-ce qu'il aime lui, qu'est-ce qui est plus porté, es-tu genre plus un artiste, un ci, un ça. Tout de suite, des tests de personnalité très jeunes pour voir c'est quoi leur tendance. C'est quoi leur talent? C'est quoi les choses dans lesquelles ils peuvent faire sans faire d'efforts, mais ils performent? Puis là, les orienter là-dedans avec un système d'exploitation, quasiment ça, mais un système d'éducation qui est basé autour de ce que la personne aime. Puis mettons, je te donne un exemple. Lui, il aime la musique, OK? Bon, il y a un avenue musique. Ça veut dire que tout ce que tu fais, ta matière, c'est toujours en lien avec cette chose-là. Puis ça va t'amener vers un certain... et une certaine branche de différents métiers possibles qui vont suivre de ça. Parce que, à cause que les universités du futur ne seront pas des universités très catégoriques, fermées, avec des diplômes, puis des ci, puis des Des ça, préalables, que ça soit lourd ouais, et rigide pour y entrer, ouais. ça va être beaucoup plus basé sur l'expertise. Ça veut dire qu'on va tester l'expertise de l'individu au lieu de qualifier qu'il est expert parce qu'il a répondu à des critères. Le problème, il est là. Tu sais, si tu as du bon dans le système de santé, que, écoutez, vous n'avez pas d'affaires là. Pas parce que vous n'êtes pas bon. Vous n'avez pas les corps pour faire ça. C'est comme une police. C'est pas tout le monde qui peut être policier. C'est pas tout le monde qui peut être Navy SEAL ou les forces spéciales qui descendent en bas des hélicoptères avec des night vision. C'est pas tout le monde qui a la vibration pour faire certains métiers. Puis avec une université ou un système d'éducation qui est basé beaucoup plus sur la vibration de l'individu, puis de l'amener à exprimer ça. Parce que c'est ça qui est important. Un enfant, là, ça voit plein de choses, Ben ça a oui, plein c'est ça. d'idées. Moi, je serais dans l'optique d'accompagner l'enfant pour aller dans le sens de son élan vital plutôt que de lui imposer des cours qui ne l'intéressent pas. Tu sais, l'enfant n'a pas d'intérêt pour la science, puis tu le forces à faire un cours en chimie, en biologique ou des maths à pousser. Moi, je trouve pas ça intelligent. Par exemple, les mathématiques, la science, la physique, la biologie, c'est extrêmement important, puis tout le monde devrait savoir ça, puis tout le monde devrait étudier là-dedans, mais pas de façon scolaire comme on le connaît, qui est vraiment déconnecté de la réalité. Il faut l'amener, tu sais, la biologie, il faut l'étudier à travers son corps, à travers les plantes, à travers l'échange des plantes avec le corps, puis des plantes que les animaux mangent, puis pourquoi que nous, on mange des animaux, puis tout, de comprendre la symbiose de la biologie. OK? Ça, c'est crissement important. Puis c'est intéressant. Tous les enfants là, qui seraient exposés à ça d'une façon, mettons, Mais moi, tu pédagogique, vois, la dépendamment de nuance que leur je groupe fais, c'est d'âge. que moi, ça serait un accompagnement individualisé. Idéalement, c'est sûr que ça coûterait une fortune au lieu de prendre une classe avec 30 personnes, mais c'est quand la question ou l'intérêt viendrait de l'enfant. Tu sais, si l'enfant pose la question, comment les enfants naissent ou pourquoi qu'on mange des végétaux, ben là, on pourrait donner des explications, mais il faudrait que ça vienne de l'individu au lieu que ça ne l'intéresse pas, puis on dit, ben, il faut que tu apprennes ça. Pourquoi? Ben, c'est parce que ça fait partie de l'examen. Pourquoi je fais C'est ça. l'examen? Parce que c'est le ministère qui dit de faire ça. Fait Faut que là, arrêter de sectariser l'information, puis les diplômes, puis les si. Ça, c'est malhonnête, ça. Il faut développer des instances gouvernementales, des gens qui sont hautement en maîtrise de certains domaines. Mettons, je sais pas, je te donne un exemple, là. oui. Mais quelqu'un qui est dans l'expertise de la massothérapie à un haut niveau, ben, il y aurait consensus d'experts de ce département-là, puis il y aurait seulement une hiérarchie des meilleurs qui se testeraient à chaque année, dans le sens qu'ils amènent à chaque année tout ce qu'ils ont appris, tout ce qu'ils développent, un peu comme un conseil de Jedi. Tu sais, des conseils de Jedi dans différentes avenues de la vie, dans l'architecture, dans l'ingénierie, dans la science puis dans la technologie, d'avoir toujours des instances de gens qui ont des grandes connaissances qui bénéficient à d'autres personnes. Puis de. Moi, en tout cas, si on avait un revenu minimum garanti, je trouverais ça très intéressant qu'il y ait toujours une personne à la maison pour éduquer l'enfant. Parce que tu sais, tu dis décharger le système d'éducation. Oui, justement. Pourquoi qu'on les éduque pas, nos enfants? Moi, là, la raison pourquoi j'ai jamais voulu avoir des enfants, c'est parce que j'ai toujours su que tout le monde qui a des enfants présentement, semblerait-il, je veux pas généraliser, mais ce que je vois, moi, sont un peu débordés parce qu'il faut qu'ils fassent tout en même temps. Mais si tu as quelqu'un qui s'occupe d'éduquer les enfants, que ce soit l'homme ou la femme, puis un autre qui travaille pour ramener un peu plus de revenus dans le milieu familial, ben finalement, tu viens de décharger ton système d'éducation. Puis maintenant, on le voit même, quasiment tout peut être fait à distance. Fait que pourquoi aller se faire chier? Tu sais, c'est un système qui doit être revu, comme les emplois. Tu sais, il y a beaucoup d'emplois qui sont rendus en télétravail. Mais Chris, pourquoi ça ne l'était pas avant? Pourquoi le monde faisait 1 heure et demie de char pour aller dans une table à bureau, dans un étage à bureau, au lieu de rester à la maison quand des deux, c'est des ordinateurs? Non, exactement. Puis ça risque de désengorger des villes comme Québec où il y avait des problèmes d'embouteillage. Puis là, à ce moment-là, on n'aura peut-être pas besoin de dépenser une fortune pour avoir le tramway comme elle propose la bombe. C'est quand même particulier qu'il parle de tramway quand que tout le monde est à la maison en ce moment. Ah, mais c'est parce que ça fait des années qu'ils travaillent là-dessus. Fait que, tu sais, je Non, simplement, ça. mais Oui. regarde le contexte, là. Ça fait des années qu'il travaille là-dessus. Tu imagines, ça te montre-tu qu'à quel point il n'y a aucune vision de ce qu'on s'en va dans la société? Fait que pourquoi ferais-tu Ah, ben, c'est parce que confiance à pour un lui. homme qui n'a aucune C'est parce que vision? pour lui, c'est comme une crise à court terme. Ben oui, Mais mais moi, c'est pas une. j'ai cru Voyons, ça. c'est pas une crise à court terme. Sont-tu drôles, eux autres? Ben oui, mais. Avec Ouais. 28 jours puis ces affaires-là, Oui, mais c'est 28 ça. jours plus tard. C'est ça. Mais moi-même, dans le fond, puis je voulais quand même profiter de l'enregistrement aujourd'hui pour faire suite parce qu'on avait parlé au printemps. Puis, tu sais, toi, tu étais plus de l'avis que la crise du coronavirus durait longtemps. Puis moi, je dis, ça se peut pas qu'elle dure longtemps parce qu'après 2 semaines, ça va créer des dommages économiques importants. Mais finalement, tu avais raison. Puis la crise s'échelonne dans le temps. Fait que moi, ça m'a amené à revisiter ma vision de la crise. Mais Il n'y aura pas de crise économique telle qu'on l'a connue en 1929 ou même pire en 2008 parce qu'il y a comme un système qui est déjà de rodage, d'échange, de gens qui travaillent puis d'argent qui est comme cumulé. Puis il y a comme un échange de cet argent-là qui circule tout le temps malgré tout, d'une certaine essentielle, là, genre l'épicerie, le linge, t'sais, le gaz, que même s'il y a une grande dévaluation du dollar, les gens vont toujours avoir accès quand même à ça. Fait que l'argent, peut-être que ça sera pas, ça vaudra pas 2000 piastres par mois, mais ça va peut-être être plus éventuellement. Mais c'est comme si on est rendu à un point dans notre société qu'on peut pas manquer. Il y a beaucoup de gens qui le voient pas, là. Mais on est rendu dans une ère d'abondance. Ça paraît pas encore, le monde. Ben, une ère d'abondance, tout le monde est en faillite, il y a des suicides, puis tout. Oui, mais c'est une ère d'abondance parce que il y a un allègement des demandes sur la terre de niaiseries comme genre des bijoux, des ci, des ça. Il y a beaucoup de baisse de revenus de certaines places à travers le monde à cause que les gens achètent de plus en plus juste des choses essentielles. Fait qu'il y a comme un shift qui s'est fait que oui, peut-être le monde ne seront pas dans la grosse, dans les vidéos Instagram, puis regardez-moi, je suis dans un jet privé à telle place. Mais les gens vont vivre de ce qu'ils ont besoin. Je pense pas qu'on va aller Ben, vers c'est des vrai pour périodes une de grand manque. partie de la population parce que, par contre, les gagnants de la crise, c'est-à-dire les GAFA, Google, Apple, Facebook, les dirigeants de tout ça, puis les employés Amazon. cadres, ben, eux autres, leur argent augmente. Fait qu'eux autres vont continuer à pouvoir bénéficier d'argent pour s'acheter des pierres précieuses ou être dans le luxe, là. Fait Oui, que, mais ça a toujours été de même. c'est ça, mais j'ai Qu'on soit dans la l'impression. crise du Ouais. coronavirus, écoute, la crise économique de 2008 dans le housing market aux États-Unis, ça a été exactement ça. Tu peux-tu croire, le gouvernement a fait imprimer, la Banque centrale a fait imprimer de l'argent qui a passé par le gouvernement pour redonner aux banques centrales. Oui. Dude, c'est la. C'est comme. Ça, là, quand je vois ça, je me dis. Il faut vraiment être aveugle parce que c'est qui donne l'argent au gouvernement? C'est les banques centrales, OK? Fait que là, le gouvernement signe un federal bond, puis là, il envoie ça, puis il dit une promesse de rembourser tant d'argent en valeur. Bon. Fait que là, il imprime, la mint, elle imprime, mettons, 1 milliard, puis là, elle donne 1 milliard aux banques. Puis là, le gouvernement dit, on a donné 1 milliard aux banques. Mais c'est pas le gouvernement n'a pas d'argent. Fait que le gouvernement, il prend l'argent de la banque centrale, puis elle donne à des banques qui appartiennent aux banques centrales parce que c'est le même monde. Ouais. Puis cet argent-là, ça en va toujours à la même place. Mais ça fait depuis, même avant, écoute, ça date presque plus que le 18e siècle. Moi, j'aurais tendance à dire là, que le système de manipulation occulte, là, astrale qu'on a en ce moment, là, ça date de tellement longtemps, là, mais ça s'est manifesté de façon plus aiguë à partir de l'Inquisition. Ah, ben moi, tu vois, j'irais plus loin. C'est-à-dire que pour moi, le système de manipulation astrale a pris place avec l'émergence du plan astral, puis l'astralisation des Ouais, gens non, mais avec. moi, je parle de la Oui. cinquième race racine. Là. OK. Je parle du nouvel ego. C'est de ce qu'on ou de l'étape de développement d'un ego puis d'une capacité à mémoriser puis à réfléchir l'information. J'ai comme l'impression qu'avant, oui, on s'entend, c'est vrai que c'est ça, parce que l'expérience de l'âme sur Terre, ça appartient toujours à l'astral. Mais là, on est vraiment comme, tu sais, l'espèce de système d'élite gouvernementale ou d'élite de la pensée. On dirait que ça a commencé avec l'Église catholique, puis l'Inquisition, puis tout ça a comme découlé dans un système gouvernemental, un système scientifique. Puis tu sais, après la Deuxième Guerre mondiale, quand il y a beaucoup de scientifiques nazis qui sont revenus en Amérique, qui ont pu bénéficier leurs connaissances à toutes les grandes instances de la médecine, puis des pharmacologies, puis tout ça, tu sais, ça fait longtemps qu'il y a un engrenage qui est parti. Non, Puis je pense exactement. que la crise du coronavirus, c'est comme la pointe de l'iceberg. Mais moi, ce qui me fascine, c'est que les gens, pendant la guerre en Irak, ne faisaient pas confiance au gouvernement. Pendant l'Afghanistan, ne faisaient pas confiance au gouvernement. 11 septembre, ne faisaient pas confiance au gouvernement. Puis là, tout d'un coup, on fait confiance au gouvernement. Tu Ben, sais. si on parle des Québécois Ouais. par rapport à la crise. Les Québécois ici, dans le fond, c'est parce que faire confiance au, je pense pas que les Québécois faisaient confiance au gouvernement là, lors de la crise d'Irak là, tu sais. Non, mais je parle en général, l'appui de la population par rapport aux guerres a jamais été total. Tu sais, j'ai jamais eu toute la population, que ce soit les Américains ou les Canadiens ou les Québécois, parce que nous autres, on va Non, quand même être en t'as guerre. raison, tu lèves un bon point. Là, on est supposé être en guerre, comme Macron l'a Ouais, déclaré, c'est ça. en France, contre le coronavirus. Puis là, on est fâchés parce qu'il y a du monde qui ne disent pas comme nous autres. Exactement. Ils pensent pas comme nous autres. Mais c'est normal. Pendant l'Afghanistan, beaucoup de monde qui le disait, voyons, ça n'a pas rapport, là. Qu'est-ce qu'on fait là? Ah, ben, tu sais, moi, j'ai des amis, là, des forces canadiennes, là, puis je dévoilerai pas leurs identités, mais c'est des gars qui ont travaillé là-bas, qui ont été là-bas en tour, du monde, qui ont tué du monde, c'ti, puis des gars, là, du 22, là, puis ils disaient, Chris, on protégeait des trafics d'opium. On laissait passer des camions, on s'occupait des champs, on protégeait les champs, c'est ça qu'on faisait. Puis ils s'en rendaient pas compte sur le coup, mais quand ils sont revenus, puis ils ont commencé à parler ensemble, puis ils ont fait des recherches, ils sont venus à ces conclusions-là, puis il y a eu beaucoup de militaires que je connais qui se sont éveillés à la nature même de la guerre, puis pourquoi qu'ils allaient en guerre, puis ça les a vraiment, vraiment créé un choc, là. Ben non, c'est ça. Il y en a qui sont manipulés. T'sais, c'est un petit peu comme à l'origine, quand ils ont déclenché en 2003 la guerre contre l'Irak, Colin Powell avait déclaré qu'il y avait des preuves solides, là, comme de quoi que Saddam Hussein avait des armes de destruction massive. Ouais. Puis c'est des preuves irréfutables. Finalement, il envahissait le pays. Il y a des recherches qui sont faites. Finalement, il n'y en avait pas, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il reste dans le pays, il continue à l'occuper. Fait que stratégiquement parlant, ben, ça fait une entrée des États-Unis en Irak. C'est ça. Fait que ça a été ça le prétexte. Finalement, il s'est pas avéré réel, mais le bénéfice est réel pour les États-Unis parce que ça les positionne d'une manière stratégique au Moyen-Orient. Il s'agit pas de rentrer dans on pense que, puis on pense que, puis on pense que, puis de dire aux gens justement, ah, c'est de la conspiration. La réalité, là, dans tous ces mouvements-là, c'est que l'homme, il est assoiffé de pouvoir. Pourquoi il est assoiffé de pouvoir? C'est parce qu'il n'y a pas de savoir. Puis en n'ayant pas de savoir, son désir de pouvoir est inversement proportionnel. Fait que plus le monde ils savent pas, plus ils veulent contrôler, plus ils veulent saisir, plus ils veulent maintenir certaines choses. Donc, depuis longtemps, des familles se sont enrichies, qui ont légué à des fortunes après des fortunes après des fortunes, qui ont grandi comme ça dans le monde. Fait que c'est très naïf de croire qu'on vit dans un système démocratique quand on sait très bien que plus tu as de l'argent, plus tu as des capacités. Donc, ceux qui ont beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent, ben, ils ont beaucoup plus de capacités, ils ont plus de pouvoir décisionnel, ils ont plus d'influence. Fait que, tu sais, il n'y a pas de conspiration là-dedans. Le seul problème, c'est qu'à un moment donné, il va falloir qu'on demande. Tu sais, on dit, ah, le fédéral dépense 258 milliards de dollars. OK. Puis là, on dit, c'est des dettes. OK. Ça, à qui? À qui? On peut-tu le savoir, ça? C'était qui, cette dette-là? Tu Exactement. sais, moi, je peux. C'est pourquoi que c'est des questions tellement simples. Oui. Puis s'il y avait de la transparence, ah, ben, c'est la banque, mettons, de telle affaire, ou je sais pas, le nom de l'instance qui prête l'argent. Bon. OK. Puis c'est qui s'occupe de ça? C'est qui est propriétaire de ça? C'est qui? Ça vient de où, ça? Ça fait combien de temps que ça existe? Ça a été fondé par qui? Pourquoi ça a été fondé, tu sais. Mais Sam, tu vas chercher de l'information, puis si c'est honnête, ben les gens, ils vont te la donner. L'information, le gouvernement va dire, ben oui, c'est telle personne, puis on a tout notre or qu'on a cumulé à travers les échanges économiques qu'on a faits, qu'on a mis dans des coffres-forts, puis tout l'argent qu'on reçoit, ben, est protégé par une valeur réelle. Mais c'est pas ça, là. Ben Là, non, exactement. La valeur de l'argent repose pas sur de l'or, c'est de l'argent scripturel. c'est ça, c'est de la promesse de remboursement. Tu sais, je te promets que ça vaut 20 piastres, basé sur ce que j'ai fait pour. Mais Exactement, ça va. ça repose sur la croyance. Sauf que le problème, c'est que l'homme, son travail sur Terre, dans sa matière, vaut beaucoup plus que qu'est-ce qui est rémunéré. Parce que quand tu regardes, mettons, quelqu'un, je dis des chiffres hypothétiques, bien sûr, mais quelqu'un comme Bill Gates ou quelqu'un comme Zuckerberg ou Jeff Bezos, tu sais, comment ils peuvent gagner, mettons, au prorata de l'heure? Puis tu sais, des fois, tu vois genre des gens qui peuvent faire 52 000 piastres de l'heure. Tu sais, 52 000 piastres de l'heure, c'est un salaire qui peut subvenir à énormément pour une famille de trois enfants, mettons. Tu sais, ça peut être Exactement. extraordinaire. Puis lui, il est là, puis il baigne dans cet argent-là. Ce que ça veut dire, c'est qu'il y a du monde qui se sont mis dans des positions d'opportunité dans notre société. À cause d'un certain pouvoir financier, ils ont pu bénéficier, à cause qu'ils sont capables de lire les marchés puis de savoir vers où s'en aller, de pouvoir investir beaucoup, donc bénéficier de beaucoup. Mais là, ce qui arrive, c'est que quand tu as des gens dans la société qui travaillent, puis qui font des jobs, mettons, en construction ou dans le système de santé, comme des infirmières, par exemple, puis qui font, je sais pas moi, 22 piastres de l'heure. C'est pas normal que quelqu'un qui travaille sur les lignes de la santé fasse, qu'il ait de la misère à subvenir à ses besoins ou qu'il mange encore les coins, là. Il a de la misère à finir les fins de mois. Tu sais, il devrait avoir un rééquilibre des ressources, pas, écoutez bien, là, je parle pas d'un système socialiste, de communiste, où que de l'argent égal à tout le monde. Non. De l'argent basé sur la qualité de ton travail puis de ce que tu fais, de comment ton travail sert. Une mesure basée là-dessus, ça vaut tant, basée sur l'expérience nécessaire, basée sur le temps, les heures travaillées, basée sur la compétence ou la spécialisation de l'individu. Ça devrait mériter ça. Mais à cause qu'on n'est pas dans un système où est-ce qu'on est rendu dans les centres plus ouvert de façon supérieure au niveau de l'amour, ben on est encore dans les centres du pouvoir, fait qu'on essaie encore de contrôler, puis de dominer, puis d'avoir un peu le dessus, puis de ci, puis de ça. Fait que c'est très difficile de pouvoir reconnaître les compétences de quelqu'un quand tu n'es même pas d'abord capable de le faire Ben toi-même. c'est ça, où l'individu n'est même pas capable de se reconnaître lui-même en tant que conscience, tu sais. Exact, exact. Mais tu sais, tout le monde peut se développer, tout le monde peut être éduqué dans une certaine voie. Tu sais, moi, j'ai toujours été dans des positions de gestion depuis des années dans les travaux que j'ai faits. Puis j'ai toujours su que chaque employé a un potentiel, puis chaque employé, si tu travailles dessus suffisamment, il va vraiment, vraiment, vraiment être compétent. Si tu as un employé qui a de l'esprit, qui veut, qui aime sa job, là, puis qui connaît rien, mais qui est prêt à apprendre, là, ça va être le meilleur employé que tu as jamais eu. Fait que ça, c'est la preuve que même si la personne n'a pas de formation, l'amour qu'elle a pour ce qu'elle fait, c'est assez pour la propulser dans un mouvement d'apprentissage qui ne requiert pas d'effort. Puis, tu sais, on ne me fera pas à croire que j'ai besoin d'aller à l'école pendant des mois et des mois pour apprendre à faire un métier comme, mettons, charpentier, là, tu sais. Pourquoi vous ne faites pas tout de suite commencer à travailler les gars sur le terrain comme des Mexicains, là? Tu sais, les Mexicains n'ont pas de carte aux États-Unis, ils embarquent dans le truck. T'es capable de faire ça, toi, là, du coup, on va peinturer. Tu sais, Mais peinture, c'est là, parce qu'ici au Québec, on est syndiqué. Dans le domaine de la construction, les gens doivent faire partie d'un syndicat. mais il est Puis. là, il suce l'argent du monde. L'idée du syndicat, c'est tellement bon. C'est genre protéger les emplois de l'abus du pouvoir, mettons, des gestionnaires. C'est vrai, ça. Mais là, c'est rendu un nivelage vers le bas de protéger n'importe quel incompétent qui devrait même pas avoir une job. Puis c'est des gros montants d'argent qui s'en va à ces gens-là. Puis il y a déjà eu des fraudes là-dedans. Il y a du gaspillage, là. C'est un gros trou, C'est ça. ça, mais comme tantôt dans la petite mise en scène que je te faisais avec toi, tu sais, puis les gens qui nous écoutent peuvent la faire aussi. Donc, imaginez que vous êtes le premier ministre du Québec pour remplacer François Legault pour gérer la crise. Tantôt, tu me dis, on va prendre les meilleures idées puis on va les mettre en place. Je trouve ça intéressant. Par contre, comment vas-tu composer avec les syndicats qui risquent d'être réfractaires au changement parce que eux autres, ils veulent continuer à faire les choses de la même façon qu'avant? Il va falloir qu'ils vivent un choc de réalisation que ce qu'on fait en ce moment, ça sert personne. Puis ça, je ne sais pas combien de temps ça peut prendre, convaincre des gens, mais je pense que si des gens ont des hautes instances politiques, puis une certaine reconnaissance, comme mettons un premier ministre ou un ministère de la Santé qui est capable de dire, regarde, écoutez, là, on comprend là, que vous avez une job, puis ça, là, mais là, il faut serrer les coudes, puis il faut vraiment essayer de trouver un système meilleur. Tu sais, il faut aller vers la communauté, vers l'échange des esprits, l'échange des compétences, commencer à travailler C'est avec les ça, compétences puis les forces de tout le exact. monde, puis arrêter non, moi les experts disent, hey, ça fait, on traite les gars de Alexis Cossette-Trudel de conspirationnistes, mais on entend parler d'experts, puis on n'a jamais prêt vraiment de nom, puis quand on entend parler, mettons comme le docteur Rosenberg qui avait dit la grippe c'est comme Le similaire coronavirus, c'est comme la grippe saisonnière, là. ouais. Mais ça, c'est pas un expert, lui. Ben c'est ça, le Pourquoi? docteur qui dirige le CISSS de la région de l'hôpital juif de Montréal, tu sais. Ouais, mais c'est ça, c'est que là, est où la ligne, là? Quand tu fais plus confiance à des médecins, des diplômes que tu as toi-même octroyés à des gens pour avoir une action en société, il y a un problème, là. Même chose pour Didier Raoult puis la chloroquine. Il s'est fait Oui. tourner en dérision dans les médias. Fait que, non, il y a un problème de société. Mais pour en revenir à la petite mise en scène qu'on faisait tantôt, parce que, tu sais, si on prend François Legault, il a dit, on va améliorer le sort des préposés aux bénéficiaires, il en manque. Donc, on va leur donner un salaire de base de 26 $ de l'heure. Il a dit ça, là, il y a quelques mois pour qu'il y ait plus de préposés, parce qu'il en manquait manifestement dans les CHSLD, là, lors de la première vague. Donc, il voulait améliorer les conditions des gens, sauf qu'il s'est heurté avec les syndicats. Ben là, s'il augmente les préposés, nous autres, les infirmières, comment qu'on va gagner? Puis les infirmières auxiliaires, puis les ci, puis les ça. Puis si vous donnez plus à eux autres, puis nous autres, on n'a pas plus en proportion, c'est injuste. Fait que finalement, il y a eu des discussions. Puis dans le concret des choses, parce que ça, c'était supposé être mis en place dans un délai de 3 mois, le 26 $ au milieu du mois de septembre, ben naturellement, par la suite, je me suis informé qu'une personne que je connais qui travaille comme préposé, puis son salaire de base n'a pas été augmenté à 26. Puis la personne part à 26, mais c'était avec un paquet de crimes, COVID, puis de cossins. Puis ça, c'est comme le parcours du combattant, mais finalement, objectivement parlant, le paquebot est tellement lourd, est tellement gros, puis difficile à changer, puis il y a des résistances d'un syndicat, puis un tel, que finalement, même quelqu'un qui est au gouvernement, à moins d'être capable d'abolir les syndicats, ben il va sortir à ce mur-là de résistance. Ça va être très difficile d'amener des changements rapidement. C'est bien correct. Ça va précipiter l'effondrement du système de santé puis la reconstruction totale. Parce qu'ils sont trop incompétents pour réaliser la base même de ce qu'il faut faire, c'est sauver des vies. Okay? Fait que sauve des vies! Arrête de te prendre les pieds dans les fleurs du tapis, là! Sauve des vies, Chris, paye-les! OK? Paye! Moi, là, le monde avec l'argent, là, me font capoter. Hey, ça coûte cher! Tu le veux-tu ou tu le veux pas? Je le veux. Ben, pourquoi c'est cher d'abord? Tu veux de l'argent dans un compte en banque qui sert à rien pendant que tu as une forme matérielle, je sais pas, quelque chose que tu as vraiment besoin, que tu aimes, que tu apprécies, tu ne l'achètes pas, mais tu vas t'acheter des affaires que tu n'as pas de besoin ou tu vas mettre de l'argent dans des affaires que tu n'as pas de besoin, qui n'ont pas rapport. Voyons! L'argent, là, quand c'est important, c'est à bonne place, c'est vibratoire, c'est intelligent, ça va toujours porter fruit. Fait que donner de l'argent aux gens dans le milieu de la santé, ça va juste les faire fonctionner mieux. Eux autres, ils comprennent pas ça, c'est comme une valve. Tu montes les infirmières auxiliaires à 35$ de l'heure. Wow! Tu vas voir qu'ils performent en esti, là. Ça dépend, il faut T'as dire peu. que ouais. T'as peu. OK? Ils performent. Ceux qui performent pas, out. OK. Tu comprends-tu? Fait que là, tu fais du ménage, t'enlèves toute la crasse. Puis là, sont là. Pendant ce temps-là, tu formes du monde pour mettre à cette position-là. Puis tu rends ça très facile. Parce que là, on a vu, il était capable de faire ça en 3 mois, là, au lieu de faire ça en 2 ans, là, ce qui est extraordinaire. Ça veut dire qu'on s'est entendu qu'il y avait beaucoup de pertes de temps. Oui, ben, il était capable de rendre la formation plus intensive en 3 mois, mais la formation de préposé, elle dure quand même, c'est 6 ou 7 mois, là. En tout cas, il a quand même réduit de moitié, là. C'est quand même bon, là. Ouais, je parlais d'infirmière normale, auxiliaire. Non, le 3 mois intensif, c'était vraiment préposé aux bénéficiaires, c'est pas infirmière auxiliaire. Oh, mais bref, OK, c'est pas mal tout pareil. C'est dans le sens qu'à un moment donné, là, la différence des connaissances, de ce que j'ai entendu sur le terrain, là, il y aurait bien juste des préposés qui pourraient voir ce que l'infirmière a fait, puis être en formation, en mentorat avec elle, puis faire sa job éventuellement, là. OK? C'est ce que je veux dire. C'est pas si compliqué que ça. Ben, il y a des C'est tâches quand juste. même plus techniques, tu sais, comme par exemple Ouais, faire mais une prise de ça sang. s'apprend. Oui, Ça d'accord s'apprend. avec toi que Ça s'apprend ça peut sur le terrain s'apprendre. très facilement, encore plus facilement qu'à l'école même. Parce que de toute façon, on le sait de même, c'est de même qu'on met des médecins sur le milieu du travail, on les met en résidence, puis là, ils font leur résidence, puis ils font leur job, puis ils sont pas payés encore comme la vraie job, mais ils font leur job. C'est de même qu'ils apprennent, puis qu'ils perfectionnent, puis qu'ils font les liens de tout ce qu'ils ont appris à travers leurs études. Fait que si tu veux faciliter le processus, tu fais des programmes de mentorat où ce que tu mets un préposé bénéficiaire, ah, qu'on a besoin d'infirmières auxiliaires, parfait, on a tant de. Comme des soldats, t'es formes dans d'autres avenues. OK, toi, t'es un militaire, mais tu peux faire infanterie, là. Lui, il va faire de l'artillerie, lui, il va faire des opérations satellites, mettons, puis tu sais, tout ça, là. T'sais. Puis tu peux former relativement vite parce que moi, je l'ai la preuve. J'ai formé des gens en nutrition quand je travaillais au Popeyes, là, des bases de la nutrition, des cours que j'ai faits, puis tout, là, puis je leur ai appris ça en une fin de semaine. Parce qu'on en a parlé de façon contextuelle, puis ils prennent des notes, puis ils comprennent, puis après ça, ils approfondissent leurs connaissances à force de rechercher, puis de faire la job, travailler dans ce domaine-là. Fait que la formation, là, ça peut être faite comme dans les entreprises privées, de façon à l'interne, de façon très efficace, avec beaucoup de rendement. Puis ça peut minimiser justement des prix d'institution, puis tu sais, un centre de formation, puis ci, puis ça. Puis tu sais, t'essayes de sauver de l'argent, puis de concentrer tes ressources dans les endroits essentiels, puis de minimiser l'effort. Mais nous autres, on aime ça, l'effort, parce que ça nous donne un sentiment d'accomplissement. Hey, j'ai fait ça, j'ai étudié tant d'heures. Ouais, mais ça a-tu donné du résultat? Le but, c'est le résultat. On est-tu capable de former du monde plus rapidement, de façon aussi efficace? Ça ne veut pas dire de tout réduire les formations à rien, mais comment qu'on peut enlever du gras, là, t'sais? Enlever un peu de maillot là, de ça, là, ce système-là. D'après moi, il y a bien plus de maillot. Quand tu regardes la quantité d'années que le monde est à l'école, là, tu te dis, calice, ça finit plus. Oui, ben c'est ça. Tu sais, si on regarde le cégep qui est particulier au Québec, donc le système d'études collégiales, il y a là un tiers d'une technique qui va durer 3 ans avec des cours de base de tronc commun obligatoires. Comme, par exemple, 4 cours de français, 3 cours de philosophie, 3 cours d'éducation physique, puis 2 cours complémentaires. En réalité, ces cours-là sont pas nécessaires pour l'exercice d'une discipline particulière. Si quelqu'un va en technique de génie mécanique, qu'il fasse ou non des cours de philosophie, par la suite, la nature de son travail va faire en sorte qu'il ne fera pas de la philosophie, mais ces cours-là ont été mis en place pour que la personne ait une culture générale. Mais ça, c'est important, mais le problème, ça va être à revoir les cours de philosophie, puis tous les cours, là. Il va falloir que ça soit revu, ça soit amélioré, ça soit mis au goût du jour. La philosophie, OK. La science de la psychologie, c'est un petit peu plus intéressant. Ben, c'est ça, c'est parce que moi, je mettrais peut-être plus des cours de psychologie que de philosophie, mais bon, ça dépend Oui, des. mais on peut l'utiliser de façon philosophique. T'sais. Ça peut être un cours pour amener les jeunes adultes un petit peu plus loin, dans la compréhension de certaines choses, de développer des idées, de stimuler la capacité à l'homme de canaliser, de s'exprimer. Mais tu sais, on est tellement tabou, hein, t'sais. Hey, tu peux pas dire des affaires que tu sais pas, là. Ben, je l'ai essayé, là, vibratoirement. Oui, mais t'as pas le droit de savoir ça. T'es qui pour savoir ça? Ben, un canal. Mais C'est c'est un canal, ça. c'est de l'énergie qui C'est passe, puis je le ça. dis, Chris, je le dis, je le savais pas, mais je l'ai dit, là, c'est ça. C'est ça. Mais les gens sont tellement centrés sur l'accumulation de mémoire puis de forme avec des diplômes pour se développer un orgueil de la connaissance que toi, si tu passes pas par le cursus officiel, ben, ah, t'as pas de diplôme, t'as pas de crédibilité. Mais c'est bien correct. Parce que ça va devenir leur talon d'Achille. Parce que là, ils vont avoir de la merde. Là, ils ont besoin de monde dans le système de santé. Ils vont chercher des retraités, là, des gens qui sont supposément à risque, là, pour la COVID. Pas de problème. Ironiquement. Pas de problème. 74 ans, pas de problème. Va travailler à 16 heures par jour dans la COVID. Let's go. Oh, et t'as un masque. OK, c'est cool. Parfait. Mais le masque, ça marche pas parce qu'on a mis le. Oh, non, c'est pas grave. Porte ton masque, puis ta visière, puis tes lunettes. Ça va être bien correct. Mais des gens qui sont compétents, mettons, là, qui pourraient travailler là-dedans, genre, mettons, tu les amènes un mois dans le milieu du travail, là, puis là, t'es fait, genre, te suivre, là, puis tu fais des tests psychologiques, tu t'assures que l'humain, il est balancé, là, tu sais, tu le regardes, là, puis tu fais des tests avec des psychologues, puis des psychiatres, puis tout, puis tu l'étudies pour être sûr qu'il est à sa place, puis là, tu l'amènes après ça, puis tu dis, garde, pendant un mois, 2 mois, 3 mois, tu vas suivre une fille à tous les jours, puis tu vas l'aider, puis tu vas l'assister. Tu vas apprendre son travail, tu vas faire du shadowing. Fait que là, tu vas tout voir ce qui se passe. Puis là, à un moment donné, après certains cycles, tu vas apprendre à commencer à faire la job. Puis elle va te superviser pendant que tu fais ta job. Puis elle va te corriger tous les points faibles. Puis à un moment donné, là, tu vas faire bien la job. Fait qu'à un moment donné, Non, non, tranquillement, pas mais vite, oups. je comprends ce que tu veux dire. C'est vraiment la formule alternance travail-études, où la personne pourrait être en situation de stage dès le moment qu'elle commence le cours, plutôt que de faire, admettons, 2 ans et demi, puis là, se ramasser à la dernière session, elle fait un stage, puis elle se rend compte qu'elle n'aime pas ça, tu sais. Oh ouais, puis si les gens là, ils poussaient vraiment les choses, puis il y avait vraiment de l'intérêt puis de la curiosité là, tu sais, le soir ils étudieraient leur domaine, tu sais, Ben oui, il serait ils triperaient passionné. sur leur domaine. Mais là, ils trippent pas sur leur domaine parce que leur domaine il est tellement limité, il y a tellement pas, tu sais, tu peux avoir du plaisir là dans un centre hospitalier là, tu sais, tu pourrais peinturer ça d'une autre couleur, tu pourrais mettre des animaux là-dedans, tu pourrais, tu sais, je parle dans le sens que je comprends que c'est un endroit stérile puis Oui, mais tout. tu préfères de la Mais tu sais, il devrait zoothérapie. avoir un Oui. environnement un peu plus vivant, là, tu sais, avec des plantes Exactement. ou quelque chose. Tu sais, là, c'est vraiment morbide. C'est des environnements morbides, là. C'est pas Exact. bon pour les employés, puis c'est pas bon non plus pour les gens qui vont là. Écoute, moi, là, quand je fallait que j'aille à l'hôpital tout le temps à cause de mon opération, là, asti, c'était déprimant, aller là. T'es dans le sous-sol de l'enfant Jésus, là, avec des néons sur la tête, il n'y a pas de connexion Internet. T'es en 2020, ça marche pas à moitié, faut que tu payes. Il n'y a pas de bouffe, il n'y a rien, y a pas de lumière, il n'y a pas de vie, tout le monde est déprimé. Même les gens qui travaillent là, ils ont l'air un peu zombiesques, là, genre son vert forêt, là. Puis, tu sais, t'attends pour ta santé. C'est quand même, moi je trouve ça paradoxal. Je pense que les gens manquent beaucoup de sensibilité. Puis, je m'ennuie du temps où est-ce qu'on avait une architecture qui était beaucoup plus basée sur les constantes universelles, là, tu sais. Quand tu regardes, mettons, l'Égypte ancienne, puis la construction des bâtiments, puis la géométrie. Puis aussi les couleurs, puis l'art, puis tout ça. Ça, la beauté, c'est ça qui amène la santé. Quand tu as un environnement qui est beau, qui est vibrant, même si tu es malade, puis tu as un problème de santé, tu vas te sentir mieux, tu vas guérir beaucoup plus Ben, vite. tu vas te sentir ressourcé. T'sais, si tu as des belles C'est ça. peintures sur le mur, à ce moment-là, c'est plus vitalisant que si tu as des murs drabes là, en gris, là. Ben oui, exactement. Mais pour en revenir à ma question, imagine que tu es le premier ministre du Québec et que bon, tu as amené des changements, tu as des résidences, tu as des résistances des syndicats. Par la suite, tu auras à gérer les mesures qui sont mises en place. Toi, est-ce que tu continuerais? Est-ce que tu, dans le fond, continuerais à ce que les mesures sanitaires soient appliquées ou non? Ça va, ça, tu sais, en ce moment, si je prends, mettons, exactement où ce qu'on est en ce moment, Oui. je maintiendrais. Tout ce que je ferais en ce moment, là, ça serait tout ce que je t'ai dit auparavant. Mais j'aurais fait ça avant même que la COVID-19 soit arrivée au Canada. Parce que normalement, quand tu es un gouvernement, t'es l'élite. Si t'es l'élite, t'es supposé être très voyant ou d'avoir un leadership, donc tu vois plus loin que la masse. Si t'as pas vu ça venir, t'es pas un leader. T'es juste un personnage qu'on a appointé à une position qui fait une job qui fait pas vraiment la vraie job qu'il est supposé faire. Non, non, mais normalement, l'élite devrait avoir une conscience visionnaire. Pas nécessairement une conscience mentale, supramentale qui sait où ce qui s'en va, mais un peu comme Trump, dans le sens que Trump, il est capable de dire, moi, je veux qu'il y ait un peu plus de, je veux que l'économie marche, puis on a un remède, puis oui, c'est pas parfait, mais Chris, on va faire notre effort, mais on va essayer de vivre aussi, puis on va essayer de redémarrer puis ouvrir le pays. Tu sais, oui, OK, il y a des risques à ça, mais Chris, c'est un peu ça qu'il faut faire. Fait que, tu sais, là, premièrement, moi, j'enlèverais ça des affaires de zone rouge, là. Je commencerais juste par laisser le monde, là, tu sais, faire des activités de façon comme il y avait les mesures avant, parce qu'il n'y a jamais prouvé qu'il y avait des éclosions dans les restaurants ni dans les gyms, ou du moins, j'ai entendu une affaire à Radio X comme quoi il y a un gars qui est allé dans un gym 4 fois dans la semaine pendant qu'il y avait la COVID-19 faire des cours de spinning d'une heure et demie. Tu trouves-tu ça intéressant, toi, t'as COVID-19? Puis tu fais 4 cours de spinning dans ta semaine de 1 heure et demie. Tu sais quoi du spinning? Ben, c'est-tu du vélo? C'est du vélo stationnaire à haute Ben, intensité pendant oui. 1 heure et demie de temps. Ah, ben, il y en a qui sont asymptomatiques. Bon, ben, fait qu'on s'entend-tu que c'était pas dangereux? Pour lui. Mais là, ils vont dire, ben là, ça, c'est du cas par cas, là. Non, non. Parce que s'il est asymptomatique, comme tu dis, on le sait pas, là. Mais s'il est asymptomatique, ben, s'il était symptôme, puis il est capable de faire du spinning, il n'y a pas de danger de la COVID, là. Parce que si c'était vraiment Ah, dangereux, ben, c'est parce n'importe qui qu'il. aurait des problèmes. C'est parce qu'il pourrait le propager à d'autres personnes sur place qui seraient plus vulnérables, comme des asymptomatiques ou des gens qui ont déjà des conditions médicales importantes, comme le diabète. Ça a été déjà démontré au mois d'avril que les personnes asymptomatiques n'étaient pas contagieuses. Puis ça a été prouvé par l'OMS. Puis après ça, ils ont refuté ça. Ils ont dit non. Mais ils ont dit non, mais c'est-tu vraiment non? Parce que quand tu fais des tests très, très, très, très haute sensibilité, puis que quelqu'un est testé positif, mais qu'il n'y a pas assez de particules du virus pour être capable de faire une incubation du virus, la personne n'a pas suffisamment de charge virale pour pouvoir manifester une certaine contagion, là, t'sais, dans le sens que la personne n'a pas assez de charge virale, puis si l'autre, les gens qui sont dans des gyms déjà sont un peu plus en santé en général parce qu'ils font un peu de sport, OK? Fait que la charge virale, si l'autre la pogne, il va peut-être avoir des petits symptômes, mais les risques que ces gens-là décèdent ou tuent des gens, on l'a vu là, parce qu'on a eu les gyms ouverts pendant un bout, puis tout, c'est pas un risque. Les risques, c'est dans les CHSLD, c'est dans les résidences de personnes âgées, c'est dans les hôpitaux. En ce moment, il y a beaucoup d'éclosions dans les hôpitaux, dans les écoles. Les écoles, c'est pas un problème. Les jeunes sont pas malades de façon dangereuse de ça, OK? Mais dans le système de santé, il y a beaucoup d'éclosions, puis c'est particulier parce que s'il y a une place qui est supposément sanitaire puis sécuritaire, c'est le système de santé, puis c'est la pire place. C'est ça exactement, c'est l'ironie de l'histoire. Puis Donc, c'est ça, en quelques mots, ils n'ont pas réussi nécessairement à changer la situation. Puis apparemment, il y aurait des gens qui se promènent d'une résidence à l'autre comme préposés aux bénéficiaires parce qu'il manque de personnel. Fait que là, tu augmentes le risque de contagion, puis des choses comme ça. moi, je pense que, tu sais, quand on dit, là, les gens font des quotes sur Facebook, puis ils disent, le gouvernement devrait travailler pour le peuple et non nous qui travaillons pour le gouvernement. Ah ouais? Ben, oppose-toi. Oppose-toi. Les gens, ils n'ont pas de couilles. Ben, attends une minute, il y a Stéphane Blais avec, Laisse faire Stéphane Blais. avec la défense Ils font des rien partout. libertés du peuple. Ben, attends une minute, il y a des démarches qui se font présentement en Oh, cours. il y a toujours des démarches qui se font présentement en cours, OK? Ben, pour mettre fin aux mesures sanitaires, tu Ouais, sais. c'est le même depuis le mois d'avril. C'est vrai que les mois passent, Il en se passe effet. rien, OK? Fait qu'il Ouais. se passe rien, c'est pas là que ça va se passer. On s'entend. Les résultats sont là. D'ailleurs, il fait silence radio souvent. Il se met un peu invisible. Il est pas très vu. Puis il fait pas grand-chose. T'sais, il fait oui des manœuvres puis des affaires au système de judiciaire canadien fédéral, là. Mais ça occasionne pas un résultat direct sur la population. Pour le D'accord moment. Peut-être avec que toi. dans 2, 3 ans, mais le Oui. système de judiciaire au Canada puis au Québec, c'est le même. On allonge des affaires de façon interminable, comme quoi ça se règle jamais. Fait que, oh non, ça marche pas, il faut revoir, puis là, c'est une autre cause, puis là, ça finit plus. Oh oui, c'est ça beaucoup peut être très d'argent long, qui là, les gaspille. démarches qu'il fait avec Rocco Galletti, là, peut-être ça va prendre 3 ans avant que, dans le fond, les mesures soient déclarées, là, dans le fond, C'est pas soit. compliqué. Oui. C'est ça. Tout ce que tu fais, tu ouvres ton commerce, tu dis que tu es ouvert, puis tu prends des coûts. OK? Tu prends des coûts. Parce qu'au début, tu vas prendre des coûts. C'est sûr, tu es le premier. OK? Fait que tu vas prendre le plus de coûts que tout le monde. C'est comme le premier qui va à la bataille puis qui est sur la ligne de front, c'est lui qui reçoit les balles en Ben, premier. on l'a vu OK? cet été avec Franck Marino, propriétaire d'une salle d'entraînement de la ville de Québec. C'est Lui, Dan Marino, Dan du Mega Marino. Gym. Ouais, c'est ça, exact. Excuse-moi, j'ai déformé le dos. Mais lui, il avait décidé, il n'en pouvait plus de voir son gym fermé. Il a décidé d'ouvrir, même si c'était pas autorisé par le gouvernement. Puis curieusement, le lendemain, il annonce l'ouverture là, des salles d'entraînement là, pour les jours qui suivent. Fait que ça a fonctionné. Exact. Puis c'est toutes les tickets ou la plupart des tickets qui ont été contestés ou même certains ont pas été contestés ont été annulés par le procureur. Fait que tu sais c'est moi personnellement j'irais en cours là. Tu sais mettons j'aurais un restaurant là, je l'ouvrirais, me donnerais un ticket mettons genre je sais pas moi de 1 000 $ plus à moi plus tout le monde, mettons un ticket de 40 000 $. Bon. Là ils veulent te traumatiser avec ça là, tu vas là, si t'as de l'astral en toi, là, tu vas être testé. T'sais, là, tu vas, ah, j'aurais jamais dû 40 000 piastres. Non, là, tu gardes ton sang-froid, tu t'en vas en cours avec ça, puis tu demandes au gouvernement de dire, OK, parfait. Prouvez-moi que le montant de la pénalité correspond au risque que j'ai amené à la société de mourir, que des gens meurent. Prouvez-moi un lien direct entre mon mouvement d'ouverture de mon restaurant, puis des liens directs avec la causalité de la mort de certaines personnes. OK? Puis, si c'est le cas, je vais la payer, votre dette. Puis là, tu négocies comme ça. Puis, probablement que tu n'auras même pas le temps. Ils iront même pas en justice avec toi. Ils vont juste canceller. Puis là, il va avoir. Si toi, tu ouvres, il y a un autre restaurant qui ouvre. Puis là, à un moment donné, il y en a 6, 7, 8, 9. Là, Montréal est ouvert, Québec est ouvert, tout est ouvert. Là, c'est fini. Mais ça serait la population. Puis, tu sais, on parlait d'opposer l'entité maîtresse, là. Mais tu sais, l'entité maîtresse dans la forme, dans notre société, c'est le gouvernement. Tu l'opposes, mais tu l'opposes de façon créative. Garde, il n'y en a pas de problème avec les restaurants. J'ai eu des mesures ici tout l'été, ça a marché ici. Il n'y a pas personne qui a été contaminé. Moi, j'ouvre pareil. Puis l'autre, il ouvre. Ce n'est pas dangereux ce qu'ils font, là. Mais ils vont permettre un mouvement oppositionnel avec le gouvernement, ce qui va forcer le gouvernement à avoir une discussion ou un échange avec la population. Là, à cause qu'on obéit tout au doigt et à l'œil, puis on essaie de tout respecter, puis on attend, parce qu'on nous autres, on est assez naïfs, il y a du monde assez naïf pour croire que 28 jours, c'est vraiment 28 jours. Fait que eux autres, ils attendent. Fait que c'est comme dire on va manger dans 1 heure. Mais finalement, tu manges dans 6 heures. Ben, c'est ça. Moi, j'ai l'impression que le 28 jours, la période va être reconduite pour d'autres journées. Parce que présentement, c'est à peu près à 1 000 cas par jour qui sont déclarés. Puis c'est sûr que là-dedans, dans les cas positifs, c'est pas tous des gens à l'article de la mort non plus. Puis t'as des faux Ouais, mais positifs. Oui? David, 1 000 cas par jour. Chaudière-Appalaches, là, ça oscille autour entre 48 puis 90. Chaudière-Appalaches. Par jour. Chaudière-Appalaches, là, c'est, si je me trompe pas, c'est toute la rive sud de Québec. Ça veut dire que la grosse concentration de Chaudière-Appalaches en termes de population, c'est la rive sud de Québec. Moi, quand j'habitais à Saint-Raux, là, j'habitais pas à Québec. J'habitais pas à Chaudière-Appalaches, j'habitais à Québec. T'sais, pour moi, j'étais à 15 minutes de ma job. Là. Je traverse le pont, j'étais à ma job. Fait que, tant qu'à moi, déjà, il y a un disconnect là, là. Fait que là, Chaudière-Appalaches au complet. Mettons, Thetford Mines, je pense que la Beauce, il y a une couple de régions jusqu'à Victo, là, jusqu'à Bois-Franc. Puis toutes ces régions-là, là, 90 cas. Ah, il y en a des hôpitaux, il y en a des hôpitaux en Beauce, à Thetford, l'Hôtel-Dieu de Lévis, il y a plein d'hôpitaux, là. Ils envoient tout à une place. Il y a 90 cas, mais il y a des hospitalisations, il y en a combien? Ça, on ne le sait pas par région. Ouais, puis curieusement, on nous dit qu'ils sont obligés de faire du délestage présentement parce que les hôpitaux sont débordés à Thetford Mines, à Québec, puis l'Hôtel-Dieu de Lévis aussi. Puis là, ça serait incroyable dans les hôpitaux. Mais ce qu'ils ne nous disent pas, c'est que probablement ils utilisent du personnel pour faire des tests de COVID intensivement. Puis après ça, on pousse ces ressources-là pour opérer le réseau. Moi, je trouve ça un petit peu un problème de faire. J'arrive pas à voir comment, au début, faire des tests, OK. Mais là, j'arrive pas à voir l'utilité de faire constamment des tests comme ça. Puis considérant le fait qu'on paye des salaires pour les gens qui font ça, plus ça doit avoir un prix, là, le matériel des tests, puis tout. Certainement. Hey, à 29 000 tests par jour, 26 000 tests, 22 000 tests, hey, ça coûte cher en crise, ça, là. Puis ça donne quoi, là? Tu sais, essentiellement, ça donne quoi? Si t'es malade, là, je te donne un exemple. Mettons, moi, je suis malade, OK? J'ai Oui. des symptômes de grippe, parce que c'est ce que je connais. Moi, je connais pas ça, COVID-19. Fait que, mettons, j'ai des symptômes de grippe. Ben, j'ai peut-être la COVID. Qu'est-ce que tu penses que je vais faire? Je vais rester chez nous. Je vais attendre. Mais Puis là, ça va c'est pas guérir tout le comme monde qui n'importe sont quel. comme T'as peu, toi. t'as peu. J'ai pas fini, là. Oui. Ça dépend de la gravité. C'est comme je te dis, je vais rester chez nous. Puis je vais attendre de voir comment ça se développe. Si ça se développe à un point où je ne serais plus capable de respirer, ben j'irai à l'hôpital. Mais c'est quoi la nature de l'importance du test? Si t'es malade, là, tu vas à l'hôpital. Ben, si tu as vraiment besoin d'y aller, là. Ah, mais c'est Sinon, pour tu restes éviter la chez vous et tu te traites. contamination. Le but du test, c'est d'éviter la contamination, supposément, auprès de clientèle vulnérable. Donc, si la personne a assez Ça qu'à. marche pas. Ça marche pas. On a la preuve. On l'a eu au printemps, puis on a encore la preuve présentement. Ça ne marche pas. Dans les faits, ça ne fonctionne pas. Est-ce qu'on peut revoir la façon qu'on fait les choses? On pourrait-tu tester quand c'est nécessaire? Non, mais c'est une question que je te pose. Ben, moi, je suis de ton avis. En fait, l'utilité des. Qu'est-ce que tu as à dire là-dessus, toi? Ben, l'utilité des tests, la façon que je vois ça, des tests pour évaluer régulièrement, plus au niveau du personnel soignant, comme par exemple les préposés aux bénéficiaires, les infirmières avec les personnes âgées, puis les clientèles à risque pour éviter la contamination. Mais là, de mettre ça à la population en général, puis au cas où que peut-être que tu l'as attrapé, puis tu as vu peut-être quelqu'un qui a atteint du COVID, pour moi, je trouve que c'est exagéré puis démesuré. Fait que là, la question que je me pose, c'est qu'en général, dans la population at large, puis là, c'est pas hypothétique, on a les preuves, là. On a eu une première vague, on est dans une supposément deuxième vague de cas ou de tests, peut-être. Puis cette deuxième vague de tests-là nous montre qu'on a 1 000 cas par jour sur 8,5 millions d'habitants. Dans ces 1 000 cas par jour-là, à cause des tests qui sont à 40 cycles, je ne sais pas jusqu'à quel point il y a des faux positifs, j'avancerai aucun pourcentage, mais il y en a, c'est sûr. Ou il y a des asymptomatiques. Soit c'est des faux positifs, soit c'est des asymptomatiques. À ce que je peux voir, ça a l'air d'être un plus haut pourcentage parce que le nombre d'hospitalisations est très bas ou très stable. Il y a entre 450 puis 600. Puis même, je pense qu'on n'a même pas atteint 600 encore. Fait que ça oscille, puis des fois c'est moins 12, moins 13, puis après ça c'est plus 5, plus 8. Fait que tu sais, il y a comme quelqu'un qui étudie des statistiques, là, ça prend pas la tête à Papineau pour voir qu'il y a une stabilité. OK? Puis il y a un danger, mais à un endroit particulier, puis c'est dans les résidences de personnes âgées, puis les gens qui sont malades. OK? Mais pourquoi qu'on fait pas des mesures qui sont beaucoup plus de cas par cas? C'est ça la problématique, c'est qu'on travaille Exactement, pas parce dans qu'il le y a cas par cas. des endroits comme par exemple la Suède. Eux autres, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont protégé davantage les personnes âgées, mais ils ont permis que les restaurants, comme on parlait tantôt, eux autres, dans leur cas, ils continuent de fonctionner, d'opérer, là. Ils n'ont pas tout confiné là, la société autant que nous autres. Puis pourtant, ils n'ont pas plus de morts statistiquement parlant que nous autres. Puis là, ça fait pas juste 1 ou 2 mois, ça fait 8 mois, là. Moi, je peux pas parler de la Suède parce que j'ai jamais été là-bas. Puis tout ce que j'ai vu dans les journaux, il y a des bonnes choses de la Suède, puis il y a des mauvaises choses de la Suède. Puis tant qu'à moi, c'est juste un autre pays qui gère ça d'une façon différente. Mais je peux vous dire une chose, c'est que qu'est-ce qui se passe au Québec? Il y a un alourdissement qui coûte en énergie à beaucoup de personnes qui travaillent, puis c'est pas nécessaire. C'est tout simplement que c'est pas nécessaire. Si on est rationnel, puis on regarde les pourcentages de survivants, c'est très, très, très très élevé. C'est 99,9 de gens qui survivent. Donc, si on fonctionne avec ce pourcentage-là, on essaie de découvrir c'est quoi le pourcent ou le 0,1% qui manque. Puis d'après moi, c'est les gens malades ou des gens qui ont déjà des conditions de santé. Puis on se concentre sur eux autres. Si tu veux te protéger, le masque, c'est supposé protéger toi-même, les autres. Mais si tu es une personne qui a négligé sa santé pendant des années, malgré elle, mais tu dois vivre les conséquences de la négligence que tu as eue par rapport à ta santé parce que tu as probablement eu beaucoup de signes qui t'ont dit de faire attention à ça, de pas trop faire ça, de faire plus de ça. Puis là, tu n'as pas écouté. Puis là, tu t'es rendu malade, puis là, tu as de l'obésité, puis là, tu as de la misère à marcher, puis tu es essoufflé quand tu montes les marches. Puis là, tu pognes la COVID-19, puis tu dis c'est la fin du monde. La fin du monde, c'est la fin de la connexion avec toi-même qui a fait en sorte que tu as dégénéré dans une condition où ce que la COVID-19, C'est ça va ça, t'achever. puis le virus a été tout simplement un événement occasionnel par rapport à un malaise qui était déjà là. Tu sais, ça n'aurait pas été le COVID, ça aurait pu être la grippe saisonnière aussi ou d'autres éléments qui étaient en lien avec un État qui était déjà fragilisé, qui a ramené un problème là, au niveau de la santé important, là, tu sais. Ouais. Puis moi, où j'ai un problème beaucoup avec la politique présentement, c'est le blâme constant sur la population, comme si on était des crétins. Tu Oui, sais, c'est exactement. genre, hey, sérieux, là, moi, j'étais à Thetford, là, puis je vais dire une chose, tout le monde obéit au doigt et à l'œil. OK? Je vois personne qui résiste aucune mesure. Tout le monde porte des vrais masques. Je sais pas pourquoi, comment ils font, là, pourquoi ils portent pas juste des cache-cou, là, mais en tout cas, bref, ils portent des vrais masques. Puis c'est sérieux, là, tu sais. Fait que quand on dit que c'est la population le problème, je trouve ça vraiment, vraiment injuste. Je trouve ça irrespectueux. Des gens qui ont fait autant de sacrifices, qui ont fermé leurs entreprises, qui ont perdu de l'argent, qui ont été obligés de faire des estis de prêts supposément subventionnés par le gouvernement qui vont leur coûter une fortune, s'endetter pour leur business, perdre des clients. Et moi, nous autres, on n'a jamais retrouvé les chiffres qu'on avait avant, là. Ça a tué l'entreprise. Ça a tué le Exactement, tourisme. mais Ça l'a c'est tué. Ça. humiliant. Ce qu'a fait pour que les gens qui nous écoutent à l'international comprennent, c'est qu'il y a quelques jours, Geneviève Guilbeault, qui est la vice-première ministre du Québec, a déclaré aux gens, en particulier de la ville de Québec, où le nombre de cas augmente, que c'est à cause que vous avez eu un relâchement des mesures, alors que les mesures n'ont jamais été aussi rigides, puis de ce que je perçois, là, respectées là, par les gens de Québec, tu sais. Ben oui. Fait que là, accuse les gens, mais pendant ce temps-là, ça nous tourne du cafouillage dans le réseau de la santé, puis le fait qu'il y a une mauvaise gestion. Fait que là, on blâme eux autres pour que les gens focusent sur « Ah, vous êtes coupables de la situation présente », mais eux autres, ils reconnaissent pas simultanément leur part de responsabilité, puis là-dedans, parce qu'ils n'ont pas amené des changements significatifs dans le réseau de la santé depuis la première vague au printemps dernier, ce qui fait en sorte que c'est toujours mal géré, là. Puis puisqu'on fonctionne dans un système qui est très infantilisant, si on parle à des enfants comme ils nous parlent à nous autres avec des couleurs, là, t'es dans le rouge. Qu'est-ce que ça veut dire, le rouge? Ça veut dire, ah, pas de ça, pas de ça, puis pas de ça. Tu peux pas OK. avoir des petits amis chez toi ou T'as pas juste des un à petits la amis, non. fois si t'es célibataire, mais sinon tu peux pas voir ta famille. C'est le carton rouge. Va t'asseoir sur le banc. Bon, fait que. Mais les enfants, là, on n'est pas aussi cruels que ça avec eux autres. On leur donne des récompenses des fois, là. On les amène manger une crème glacée, on leur loue un bon film, on leur fait un bon souper, on leur achète un jouet, on fait une activité avec eux autres, on les récompense. Tu peux pas. Chris, depuis le mois d'avril qu'ils nous font chier, là. T'sais, Ah, genre. ben, il y a eu une pause pendant l'été, mon cher. Ben, il y a eu une pause, mais c'est pas une pause parce que c'est revenu en flèche. Ils nous ont tout préparé cet été. La deuxième vague, les spécialistes Oui, craignent la deuxième vague. Ben oui, vous exactement. allez l'inventer vous-même. Ben, c'est ça, c'est parce que au milieu du mois d'août, c'était marqué il faut être prêt d'ici 6 semaines pour la deuxième vague, ce qui nous mettait au 1er octobre. C'était le milieu du mois d'août. Puis le 1er octobre, qu'est-ce qu'annonce le confinement qu'on connaît jusqu'au 28 octobre, là, pendant la période de 28 jours, où ce qu'on se trouve au moment où est fait l'enregistrement? Fait que, on dirait que tout était marqué puis programmé à l'avance. Puis Arruda le disait qu'il était pas mal sûr, là, quasiment à 100 % qu'elle allait avoir une deuxième vague. Puis là, le problème, c'est qu'on n'a même pas rentré dans la saison de la grippe encore, parce que là, le monde, ils disent, ouais, mais ça doit être la grippe. Non, la grippe, il n'y a pas de grippe à l'automne. La grippe, c'est décembre-janvier. Okay? C'est les pics de l'influenza, là, c'est décembre-janvier. Puis les pneumonies aussi. Puis toutes les pires conditions virales, c'est toujours décembre-janvier au Québec. Fait que là, c'est pas fini, le cirque, là. Tu sais, dans le Ben, c'est sens que. ça. Parce que là, on a passé, il y avait les couleurs vert, ensuite il y avait le jaune, l'orange, puis le rouge. Mais là, si on est déjà dans le rouge, ça va être quoi la prochaine étape? Le couvre-feu le soir, les mesures de guerre? Ben, des couvre-feux ou des mesures de guerre, je vois pas comment ça peut être nécessaire parce que le problème, c'est que moi, je connais beaucoup de policiers, puis les policiers en ce moment, ils savent même pas c'est quoi qu'il faut qu'ils fassent. Eux autres, ils répondent à des plaintes. OK, je vais t'expliquer qu'est-ce qu'ils font, là. Quelqu'un appelle, ah, là, il y a un gars, il a quatre autos dans sa cour. OK, la police y va. Puis là, ils vont parler avec eux autres. Puis là, ils vont répondre à la plainte. Puis des fois, ils disent, en tout cas, dans notre secteur à nous autres, ils disent que moi, ce que j'ai entendu dire, c'est qu'ils ont donné une coupe d'étiquette au printemps, mais ils n'en ont pas donné depuis. toutes les mesures, là, même jusqu'à la semaine passée, là, je parle avec tous les jours. Puis avant ça, ils donnaient des tickets, mais c'est parce qu'il y avait vraiment un problème à l'époque au mois d'avril. Puis là, c'était genre des problématiques à cause du confinement, puis c'était différent apparemment. Mais apparemment, beaucoup de ces tickets-là ont été enlevés. C'est ça qu'ils nous disent. Ils disent qu'il y a beaucoup d'étiquettes qui n'ont pas. C'est pas allé à conclusion. Il n'y a pas eu de conclusion aux tickets. Fait que là, en ce moment, ils savent pas trop. T'sais, ils répondent aux plaintes. Mais s'il n'y a pas de plainte, ils font rien de spécifique. Là. T'sais, y a pas, c'est pas la Gestapo là, qui se promène dans les rues là, avec des matraques puis attend de voir c'est qui a pas un masque. Là. On n'est pas là pantoute. Puis la police, je pense pas qu'elle a le goût de faire ça non plus. Fait que même s'ils montent les mesures encore. Moi, j'aurais tendance à continuer de faire ce que je fais parce que je vois pas personne qui applique aucune mesure. Dans le sens que je vois pas de figure d'autorité qui enforce la loi par rapport au masque ou toutes ces affaires-là. J'ai vu beaucoup de gens l'échapper. J'ai pas entendu personne se faire arrêter ou avoir des problèmes, à moins que quelqu'un fasse une crise, là. Tu sais, mettons quelqu'un qui est frustré du masque, là, puis il va au IGA, mettons, pas de masque. Puis là, l'employé disait, hey, monsieur, votre masque. Ah, je porterai pas le masque, là. Vous mangez de la merde, vous êtes des moutons. Puis là, s'ils pètent une coche, dans le même, ils vont appeler la police. Mais là, ça va être un problème, là, Ben, on a vu le ça va gars être au une. Tim Hortons, quand le masque a été mis obligatoire la première journée, il y a un gars qui a été filmé là, au restaurant Tim Hortons, il voulait pas porter le masque, il dit non, moi je bouge pas, puis il a fallu qu'il y ait des policiers qui le sortent, dont l'un qui portait pas le masque. Non, mais les policiers ont bien fait d'agir comme ça parce que dès que quelqu'un il est hors de normes de civilité, il doit être contenu selon le niveau. Ça, évidemment, des fois, les policiers vont trop raides, là, ça arrive. Mais idéalement, à la même mesure de la force là, que de l'autre personne. Fait que, tu sais, d'être capable de mettre fin à une situation comme ça, il y en a eu une de même à Thetford Mines. Puis là, ils l'ont arrêté, ils l'ont amené au poste, ils ont parlé, puis ça a été correct après. Mais tu sais, c'est ça, la job de la police, là, ça devrait être beaucoup plus genre juste de parler avec le monde, calmer le monde, mettre de l'ordre dans la société, pas commencer à donner des tickets. Tu sais, le monde sont déjà en faillite, leur commerce est fermé, est à moitié fermé, ils peuvent pas faire ce qu'ils veulent, puis tu vas leur donner des tickets. Tu sais, c'est vraiment, là, on est dans un. On fonctionne, on dirait étouffé, là, tu sais, les mains à la gorge, là, tu sais, pour rien. Non, exactement. Puis ça, c'est un autre aspect, parce que là, avec les mesures de PCU, qui est devenue la PCRE, finalement, il y a un endettement qui est là, là. Je veux dire, on est au-dessus d'endetté d'au-dessus de 500 milliards au Canada. Fait que le questionnement que j'ai, c'est bien beau garder les gens sous le respirateur artificiel sur le plan économique avec des programmes gouvernementaux, mais à un moment donné, tôt ou tard, la facture, il va falloir que quelqu'un la paye, là. Ben, la facture va être payée dans une réforme complète du système économique. Mais c'est ça, je voulais t'entendre là-dessus, parce qu'il y en a certains qui parlent que il va y avoir la réinitialisation du système économique en lien avec l'ONU, puis bon, le Forum mondial économique. Toutes les gens, toutes les formes qui amènent, c'est tout faux. On le sait pas la forme. L'esprit nous la donne pas la forme. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que la vibration est bonne. Ça devrait être assez pour un ego qui se pose pas de questions. La vibration est bonne pour le futur parce que je sens déjà les éclaircies. Ben, attends une Je minute, vois attends une minute, attends une déjà. minute. Moi, par rapport à ça, la vibration est bonne pour le futur parce que moi, ce que j'entrevois, ça va être l'ingérence d'instances mondialistes, comme par exemple le Fonds mondial international, l'ONU, dans la gestion des États-nations en disant, ben, on va renflouer vos économies parce que vous êtes tout en faillite à cause de la crise du coronavirus, mais en contrepartie, il va y avoir un chantage qui va s'opérer en disant, on va vous donner l'argent. Mais il va falloir que vous respectiez certaines normes, certains standards internationaux qu'on va mettre en place, comme par exemple, ça pourrait Je sais être... pas. Je sais Ben, pas. moi, c'est vrai que La tangente s'en va là, oui. Le stock s'en va là, oui, mais tu le sais pas. Non, exactement. Mais moi, ce que j'anticipe, par exemple, c'est une gestion où, par exemple, tu vas aller en France, très bien, mais il faut que tu montres la preuve que tu as été vacciné contre le coronavirus. Il faut que tu aies ton identité numérique. Puis, on va mettre en place des mesures de contrôle en lien avec l'informatique des individus beaucoup plus grands que dans la période d'avant-crise. Ça sera pas aussi intrusif que vous le pensez. Ben moi, je trouve déjà ça très intrusif. Présentement, le gouvernement dit « Ah oh, non, non, on n'ira pas de l'avant que le traçage numérique. » Quelques semaines après, il va de l'avant. sur mon téléphone cellulaire, dans le concret des choses, j'ai un téléphone Android. Il y a l'application de traçage numérique qui a été téléchargée malgré moi sur mon téléphone. C'est sûr qu'elle n'est pas activée, là. Il faut que j'appuie sur le bouton « Activer », mais ça s'est quand même fait dans les mises à jour usuelles du téléphone en lien avec le réseau Internet. Fait que là, tu vois que les joueurs dans le domaine de la téléphonie, s'ils te mettent l'application, là, c'est sûr que j'aurais à l'activer, oui, mais elle est présente sur mon cellulaire, tu sais. Ouais, puis? Ben, si c'est activé, ça veut dire que par géolocalisation, le gouvernement va avoir accès à mes... C'est parce que t'as pas compris le principe, là. OK, vas-y. OK, géolocalisation, traçage puce, vaccin, 5G, coronavirus, toutes ces astuces de conneries, là. Ça, c'est toute la forme planétaire de l'expérience de l'âme, OK? Oui. Quand t'es dans ton esprit, là, tu fonctionnes pas avec ces paramètres-là. Ça veut dire que moi, là, s'ils me forcent un vaccin, puis que je suis obligé, là, par force, d'avoir un vaccin dans mon bras, là, tu peux être sûr et certain que je vais avoir un échange assez important avec mon esprit, puis je vais dire, c'est quoi ça? Puis assure-toi que tu m'emmènes dans la bonne direction, parce que, calice, ça sera pas un cadeau tantôt. OK? Parce que moi, comment je vois les choses, c'est que si tu magnétises un très, très, très haut niveau de vibration, à cause que tu ne tolères aucune médiocrité dans ton existence, puis que tu ne fais que les choses qui sont réellement ordonnées, ajustées à ton être, même s'il existe toutes ces mesures de contrôle-là, tu y glisses comme un serpent là-dedans. C'est comme de l'eau qui ruisselle sur une feuille. Ça colle pas. Ça peut pas coller. Ben, on verra bien, parce que ça risque d'être limitatif, comme par exemple... C'est limitatif pour les êtres qui n'ont pas de créativité. Oui. Mais pour les êtres qui ont de la créativité, qui ont beaucoup de ressources, qui ont beaucoup d'habiletés, qui ont beaucoup de facultés, ça va être extrêmement facile de contourner le système, parce que le système, il est fondé dans de la non-intelligence, il est fondé dans de la croyance. Mais ça peut être sujet à discussion. Si, admettons, toi, on dit, t'es un employeur qui te dit, ben, on t'embauche pas si t'as pas le vaccin, parce que sans ça, tu représentes pour nous un facteur de risque. Ça arrivera jamais, parce que je ferai jamais ces hosties de jobs de marde-là. C'est ça le problème avec l'homme. Il n'y a pas assez d'identité pour savoir qu'il n'ira jamais dans ces affaires-là. C'est pas de ses affaires. Je veux bien convenir qu'il y a du monde qui va m'arracher, mais c'est pas de ma faute. C'est pas de ma faute. Non, je comprends. Parce qu'ils n'ont pas de ressources. Écoutez, moi, oui. Je rencontre des centaines de personnes. Tu sais, chaque année, je rencontre plein de monde. Je parle avec plein de monde. Puis la plupart des gens n'ont pas de ressources pour régler leurs problématiques. Puis ça, là, ça n'a pas rapport avec le système, ça n'a pas rapport avec l'éducation, ça a rapport avec le manque d'esprit dans l'individu. Puis l'esprit dans l'individu, pour qu'il se réveille, il faut que la personne soit mise en initiation, il faut qu'elle vive des chocs. Puis ce qu'on vit dans notre société, c'est des chocs. Si toi, tu as peur du traçage, je sais pas quelle raison, moi, j'ai pas peur du traçage. Parce que moi, quand même, bien qu'ils me traceraient, là, ça fait quoi? Ils peuvent rien faire avec moi. Je me fais arrêter par la police des fois, là, puis ils sont pas capables de me donner l'étiquette. Ben, en lien avec ça, dans le Congrès, c'est que si les lois seraient appliquées par les policiers, par exemple, la géolocalisation sur ton téléphone intelligent ferait en sorte que toi, si tu es en zone rouge puis tu passes en zone orange ou en zone jaune, tu pourrais être arrêté automatiquement par la police parce qu'ils vont dire, ben, tu n'as pas d'affaires là, tu représentes un risque de contamination vu que tu proviens d'une zone qui est plus à risque. Ouais, ben... Tant pis pour toi. Ben, ça te limiterait dans tes déplacements. Laisse ton téléphone à la maison. Ben oui, mais mettons, si tu es au Québec puis tu y vas sur la route en hiver, il fait moins 30, facteur de vent important avec de la neige. Moi, ouais. J'ai sûr que je vois plus tendance à avoir le téléphone cellulaire avec moi au cas où qu'il arrive quoi que ce soit sur la route. Ben oui. Puis si tu as un téléphone avec toi puis tu as une application de traçage puis tu es dans une tempête de neige, probablement que les forces te feront pas chier avec ça. Ils vont te laisser juste faire la tempête de neige. Mais ça, on le sait pas, parce qu'on pense encore qu'on a un libre arbitre. On est assez naïf pour croire que les choses qu'on fait ont un impact de comment qu'on pense qu'ils ont un impact. Tout ce qu'on fait, on a un impact. Oui. Mais ce qu'on pense, l'impact, ça, c'est pas toujours juste ça. Exactement, parce qu'on peut croire que ça a un impact donné, mais en réalité, c'est pas réel, parce qu'une partie du réel nous est voilée. Puis, il y a une affaire. Je conviens que, mettons, je dis à quelqu'un, « Ouais, mais tu te feras pas tracer dans telle situation. » On va dire, « Ben comment? Tu peux pas savoir ça. C'est impossible. » OK? Sauf que moi, je parle de mon expérience personnelle basée sur mon niveau de contact avec mon être. Fait que moi, j'ai vécu des expériences en voyage puis des affaires avec tellement de synchronisation, tellement de synchronicité, tellement d'ordre puis tellement de... Il n'y a jamais de vide. Il y a toujours quelqu'un qui apparaît. Oh, ah, tu marches sur le bord de la route, tu as besoin d'un lift, t'es pas capable de marcher. Ah, il y a un taxi qui arrive, il te donne un lift, ça te coûte rien. Tu sais qu'à un moment donné, tu réalises que la vie, c'est autopilot. Faut juste que tu Exact, sois créatif, faut que tu fasses confiance que le exactement. mouvement est intelligent, puis que tu te manifestes dans le mouvement, puis t'amènes quelque chose que tu aimes dans la vie. Moi, je vais pas arrêter de faire ma job. J'adore ce que je fais. T'sais, je partage des beaux moments avec plein de monde. Fais des arts martiaux, fais de l'entraînement, fais de l'escalade. T'sais, c'est Mais des domaines. quand même, le gouvernement t'a mis en échec une partie du début de l'année parce qu'il y a eu la période de confinement où, à ce moment-là, tu pouvais plus faire ton travail parce que c'était fermé. Ouais, mais moi, j'ai fait de l'argent. J'étais en congé 3 mois payé. J'ai investi mon argent de certaines façons, ce qui a fait en sorte que j'ai été capable d'en bénéficier. Puis je vais être capable de rembourser ce que je leur dois, puis d'avoir quand même bénéficié financièrement de ce que j'ai fait. Fait que moi, j'ai gagné sur toute la ligne là-dedans. C'est juste, je redonne l'argent qu'ils ont donné en trop, mais je bénéficie financièrement à cause que j'ai été créatif avec les ressources que j'ai eues. J'ai dit, OK, bon, je peux pas travailler, je peux faire ça, je peux m'instruire là-dedans, je peux travailler dans telle affaire, je peux apprendre telle affaire. Fait que si les gens sont restés statiques chez eux à regarder Netflix puis s'engraisser pendant 3 mois puis ont dépensé toute leur PCU, c'est pas mon problème. Non, je C'est comprends. pas mon, c'est pas le problème de personne, ça. C'est ça qu'il faut que le monde arrête de sauver les autres. Personne ne mérite d'être sauvé. Tout le monde est déjà sauvé. Tout le monde vit déjà ce qui doit être vécu. Arrêtez de penser que Ben, on est conditionné par les médias, tu sais, ils nous disent respectez les mesures, médias. portez le masque, vous allez sauver des vies, restez chez vous à jouer à des jeux vidéo. Il y a une publicité qui roulait pendant la période du premier confinement, ça me faisait tout le temps rire. Reste chez toi à jouer à des jeux vidéo, à écouter des films, tu as sauvé des vies. Ouais, mais écoute, on a juste transitionné d'écouter des comiques quand on était jeune à écouter des comiques plus vieux, mais des comiques en cravate. On écoute des comiques en cravate, c'est ça qu'on écoute. Puis si on croit à ça, ben tant pis pour nous autres. Moi, j'ai aucune pitié, là. T'sais, je suis juste. Je rencontre quelqu'un, je laisse toujours la chance d'être 100% qu'est-ce qu'il peut être, puis de s'exprimer, puis de parler, puis d'être qui il est. Mais je suis impitoyable avec la faiblesse mentale. T'sais, si quelqu'un qui est dans sa faiblesse, qui n'est pas capable de se mouvoir, qui n'est pas capable d'agir, c'est parce qu'il n'a pas suffisamment souffert pour se mettre en colère, pour changer ses conditions de vie. Fait que c'est évident que je comprends que ça, c'est un processus qui nécessite beaucoup de temps, puis qui n'a pas besoin d'être pressé là-dedans. Les gens n'ont pas besoin de manquer de respect aux gens qui ne pensent pas comme nous, mais on doit laisser les choses se faire telles qu'elles sont, puis se rapprocher plus de l'ordre des choses. La mort, c'est normal. Pourquoi qu'on s'affolerait avec des gens qui ont environ 80 à 90 ans ou même 70 à 90 ans que ces gens-là meurent? Ils sont supposés avoir vécu une vie? Ils sont supposés avoir répondu à certaines attentes qu'ils avaient dans la vie? S'ils n'ont pas fait ça, c'est pas votre problème. Non, exactement, mais souvent les gens veulent jouer au sauveur, puis comme tu disais tantôt, un mort, c'est un mort de trop. Tu sais, il y a toute une mentalité spirituelle où la personne veut être beau, puis fin, puis gentil avec monsieur et madame tout le monde. Oui, mais regardez les résultats. Faut juste regarder les résultats. On veut sauver des vies. T'en sauves-tu des vies? Non, il y a du monde qui m'apparaît. Non, exactement. Puis à un moment donné, l'être humain doit réaliser qu'il y a des choses qui y échappent. Puis je pense que tranquillement, on est en train de le voir parce que les mesures très rigides qui ont été mises en place dans les derniers jours par le gouvernement, finalement, ça fonctionne pas. Dans le sens que tout le temps, plein de cas qui sont détectés. Fait que le résultat, au lieu d'apprendre de ça, ben ils vont remettre sans doute d'autres mesures rigides ou reconduire les mêmes mesures dans les prochains mois. Ils seront pas capables de mettre des mesures plus sévères trop longtemps parce Ah qu'à un moment donné, ça va craquer. ben C'est écoute, les gens, et les gens, ben. ils vont forcer un peu les ouvertures comme ils ont fait il y a pas longtemps. Ben moi, écoute, on peut être surpris parce que, tu sais, un pays comme la France, où tu as le mouvement de révolte, de contestation des autorités avec le mouvement des Gilets jaunes, le même pays connaît présentement un couvre-feu dans plein de villes où les gens à partir de 21 h ne peuvent plus sortir de chez eux. Puis, tu m'aurais dit ça il y a 2 ans, là, qu'en France, il serait à ce point-là, j'aurais jamais cru ça. Un pays qui va où les gens vont régulièrement descendre dans la rue, pourtant, on est rendu là. Oui, mais c'est tout simplement parce qu'il n'y a pas d'unité dans la population pour aller dans une direction. Il n'y a pas de lien. les gens se sont dilapidés les uns des autres, puis ils se sont demandé après ça pourquoi qu'il n'y a pas de société. Il n'y a pas de société parce que vous êtes tous des individualistes égocentriques qui pensez juste à vous. Ben, j'apporterai des nuances, parce que quand même en France et en Europe, tu sais, il y a quand même des réseaux, comme ici au Québec, des influenceurs, puis ils ont eu leadership, puis il y a eu des manifestations, tu sais, il y a eu des trucs qui se sont Ça quand même. produit pas de résultats, puisqu'il y a un couvre-feu. À ce Il faut niveau, agir, niveau-là, par rapport au couvre-feu, non. financièrement. Par Il faut agir contre, je sais financièrement. que dans une ville en Europe, puis là, je lis plein d'articles que ça. Je ne me rappelle plus exactement la ville, mais il y a une ville qu'ils ont dit non, le port du masque obligatoire, on ne l'autorise pas. Puis ça a été devant la cour, puis ça a fonctionné. Ils ont réussi à empêcher le port du masque obligatoire. Bon, ben regarde, tu vois. Donc, quand il y a une opposition qui vient de la population ou d'un certain niveau de palier de gouvernement, puis que c'est assez fort, puis qu'il y a assez d'intelligence dans ces gens-là, ben ils sont capables de faire appliquer une loi, parce que c'est pas une loi le masque, fait qu'ils sont capables de faire respecter la vraie loi, puis finalement, ils n'ont pas besoin de le porter. Mais là, on fait rien. Il faut pas aller en politique, il faut pas aller en justice. Il faut juste faire des actions qui vont dans le sens de la santé, puis d'expliquer que ça va dans le sens de la santé, d'être social, puis de voir des êtres humains, puis que les jeunes fassent des sports en équipe, puis qu'ils puissent apprendre des choses ensemble, puis avoir du plaisir ensemble. Ça, c'est la santé. Exact. Ça, c'est la santé. Je comprends que peut-être qu'il va y avoir une personne âgée, ou deux, ou 10, ou 100 qui va mourir à cause qu'il y a des enfants qui ont eu du plaisir. Mais tel est le cours de la vie, là. Je comprends que c'est plate. Je comprends que c'est plate les morts parce que les gens pensent que quand ils meurent, c'est fini, là. Mais ça, c'est encore un problème au niveau de l'éducation. Avoir Exactement. peur de mourir, c'est tout simplement avoir absolument aucune conscience de ce qui se passe. Exactement. Et toi, est-ce que tu serais d'avis que les mesures de confinement mises en place vont avoir des répercussions pires que la maladie, la menace que représente le coronavirus? Je pense qu'on s'en va juste vers une déconstruction totale des fondements de notre société en ce moment, là. Dans le sens que psychiquement puis psychologiquement, on remet en question énormément de choses. Puis ça va amener un changement dans une période, je sais pas exactement quand, là. Puis moi, ça m'importe peu parce que je continue toujours à donner ce que j'ai de besoin pour être bien dans ma peau. Mais je pense que ça va prendre un certain nombre de temps parce que les gens, il va falloir qu'ils soient plus à côté. T'sais. Si tu es chez vous, tu es en congé, puis tu as 2 000 $ de PCU, puis tu es bien, ou bien tu as un job au gouvernement qui te permet d'être en congé, ben tu vas pas vraiment te révolter. Mais si à un moment donné, il arriverait que tu en as moins ou que tu as quelqu'un dans ta famille que tu aimes beaucoup, qui est affecté par les mesures, tu vas peut-être changer d'avis. Fait que tu sais, la force, c'est comme un peu la plante qui pousse à travers l'asphalte. C'est un processus qui requiert beaucoup de temps. Mais qu'il y a une finalité à cet événement-là, puis ça va amener vers une construction nouvelle des fondements de la société qui va être basée beaucoup plus sur l'échange des compétences, puis une reconnaissance des compétences, puis de pouvoir se servir l'un de l'autre pour améliorer notre qualité de vie, puis notre bien-être, puis nos conditions de vie aussi, puis celles de nos enfants. Tu sais, il faut vraiment avoir une vision médiocre de la société pour dire. Quand tu montres qui disent ah, c'est une dictature le Québec, puis après ça, tu devrais aller voir en Corée du Nord voir si c'est une dictature. Ouais, mais tu te compares pas avec la médiocrité. Tu peux pas te comparer ah, ben c'est moins pire que. Ouais, mais moi, je suis pas intéressé au moins pire que. Moi, je suis intéressé au meilleur que. Non, exactement. C'est sûr que moi non plus, je veux pas un nivellement vers le bas, là. Parce que c'est sûr que présentement, il y a des gens, à cause des mesures très strictes, là, liées à la crise sanitaire, dans le fond, vont dire que le Québec est rendu une dictature, là, avec le gouvernement, là, qui renouvelle continuellement l'état d'urgence pour justifier des mesures qui, autrement, ne seraient pas socialement acceptables. Exactement. Puis à un moment donné, quand les gens vont être suffisamment tannés d'être frustrés puis de s'emmerder, ils vont trouver d'autres choses à faire. Ils vont se trouver des nouvelles jobs, ils vont se trouver des nouveaux intérêts. L'humain, là, même si l'ego il est abruti par des mémoires karmiques, là, l'être humain, la physicalité humaine va toujours essayer de la ramener vers du bonheur puis du bien-être. Fait que moi, j'ai beaucoup foi dans l'humanité. T'sais, je sais que les gens vont finir par se donner ce qu'ils ont besoin. Puis même s'ils vivent avec plein de mesures comme on vit en ce moment, ils vont quand même répondre à leurs besoins puis faire ce qu'ils aiment pour continuer d'être bien dans leur peau puis de vivre une vie physique qui est agréable. En tout cas, on va voir qu'est-ce qui va se passer, parce que moi, je suis curieux de voir l'incidence réelle sur l'augmentation, par exemple, du nombre de dépressions, de cas de suicide, de troubles anxieux, corollaires aux mesures de crise sanitaire là, qui ont été implantées là, depuis le début, là. Ben, il va en avoir, mais comme il y en a dans n'importe quelle situation, je suis sûr qu'il y a eu plus de ça quand il y a eu la guerre en Irak ou la guerre en Afghanistan. Oui, mais je veux dire, là, on parle de population civile au Québec, là, on parle pas de soldats qui ont été Ben oui, je parle de exposés. civils. Il y a des gens qui ont eu peur. Hey, la guerre aux États-Unis, ils ont fait des crises de panique. Oui, Du monde qui ont mal filé. t'as raison, il y a une partie des civils qui, en effet. Hey, ils leur disaient, hey, écoute, ils ont envoyé deux avions dans des tours. T'sais, le monde, en fait, ils ont eu peur, là. C'était un grand choc, là. Le 11 septembre, là, je pense que le monde se rappelle pas de ça, là. Mais moi, j'étais chez nous quand j'ai vu deuxième avion Oui, mais frapper c'est le une building. peur qui est ponctuelle, tandis que là, on parle d'une peur qui est entretenue depuis 8 mois avec des publicités puis une campagne publicitaire monstre par le gouvernement. La plupart des gens n'ont pas peur. C'est un très faible pourcentage de la population qui a vraiment peur. En général, là, je te dirais que 70%, en tout cas, moi, 100% des gens à qui j'ai parlé depuis que je suis revenu de Thaïlande, ont pas peur. Oui, mais toi, 100% des gens. tu fréquentes peut-être pas un échantillon représentatif de la Je le sais, population je comme moi. te Ouais. parle de moi ce que je vois. Oui. Je te dis pas que tout le monde, c'est de même, mais moi, ce que j'ai observé depuis le mois de mars, c'est qu'il y a très peu de gens qui ont peur de ça. Un peu plus au mois de mars, un peu moins au mois d'avril, puis pantoute au mois de mai, 0 juin, 0 juillet. Puis depuis ce temps-là, c'est plus un alourdissement pour les gens. T'sais, je vois les gens sont là. Je peux-tu enlever mon masque? Ouais, ah, oh, enfin. T'sais, tout le monde est écœuré, là. Les gens sont à bout ben raide. Fait que si ça continue comme ça, il y a un point de rupture, là. T'es d'accord avec moi? Peut-être que non, mais. Oui, ben moi j'ai l'impression qu'il va y avoir un point de rupture où les gens vont décrocher du discours, du narratif officiel du gouvernement, dans le sens qu'ils vont faire une distanciation par rapport à ça, puis ils appliqueront plus les mesures, ou ils vont vouloir moins les appliquer. Puis là, qu'est-ce qui va arriver? Est-ce que ça va être de la répression policière? Est-ce qu'ils vont faire comme la crise d'octobre des années 70 pour faire venir l'armée ici? Moi, ça me préoccupe quand même de voir les répercussions que ça peut avoir. Moi, je pense que tu vois ça tellement dramatique, là. C'est comme, il n'y a pas d'armée. Ben, je veux C'est dire, il y ça a l'armée l'armée. canadienne qui existe, puis ils sont déjà Pas venus. d'armée. Il n'y aura pas d'armée dans les rues. De quoi tu parles? Ben, j'espère que non, là, sincèrement, là, mais je veux dire. Non, mais pourquoi il y aurait ça? Les gens sont pas capables de cette violence. C'est fini, ce temps-là. C'est fini, cette violence-là. C'est pas. Tout le monde sait qu'il faut pas faire ça. Parce que depuis là, le mois d'avril, il y a eu beaucoup, beaucoup de gens qui étaient mécontents, puis beaucoup de menaces de mort, puis il y aurait eu beaucoup d'opportunités pour commettre des crimes, puis justifier un état policier, puis il n'y en a pas eu, puis il n'y en aura pas. Parce que les gens vont toujours trouver une façon de crosser le système avant d'être obligés d'aller dans les rues, puis foutre le bordel. Écoute, il y a bien plus de bordel à cause de Black Lives Matter qu'il y a à cause des manifestations. S'oppose aux mesures sanitaires, en effet. Tu sais, c'est vraiment deux Écoute, poids, deux mesures, avec la... Ben Oui? oui, excuse-moi, là, Non, je ben, suis c'est correct. excité, là, mais j'ai témoigné d'une vidéo là, sur YouTube là, d'une manifestation à Portland, un blanc qui se fait attaquer par des noirs parce que probablement qu'il est en train de les provoquer, là. Le gars, il a un AR-15, là, il a un M4, là, comme les gars des forces spéciales en Afghanistan, là, avec une sangle sur lui. Là. Là, il se fait pousser à terre. Puis là, les gars essaient de l'attaquer, puis donner des coups de pied, puis ouvre le feu avec une arme automatique là, en plein Portland, là. Puis ça, c'est rendu à un niveau où est-ce que tu as besoin d'avoir un état policier, mais ça n'a rien à voir avec la crise du coronavirus. Oui. C'est un conflit de race là, qu'il y a un en ce moment. Là. Puis ça, c'est aux États-Unis. Fait qu'au Québec, en ce moment, je comprends qu'ils essayent de faire des affaires de. Ils n'arrêtent pas de parler de racisme. Oui. Je sais pas pourquoi ils parlent de. C'est quoi le problème, là? Même si quelqu'un est raciste, mettons, là, puis qu'il va dire Ah, toi, t'es un ci, puis t'es un ça, là, de telle race, puis des insultes liées à la race. Ça fait quoi, là? Tant que t'es capable d'avoir un job, puis t'es bien payé, puis tout, tant qu'il n'y a pas de problème dans l'égalité des salaires, puis l'égalité des droits dans un système démocratique, il n'y en a pas de problème. Si t'es un noir ou un asiatique, puis t'es au Canada, puis t'as tous tes droits civils, même si quelqu'un t'appelle par un nom, là, qui est diffamatoire, tu devrais pas en faire un cas, là. Je sais pas pourquoi on fait des cas avec Mais ça ça. peut Je être comprends que c'est sujet à discussion, irrespectueux, là. là, mais c'est sûr que moi, la façon que je vois ça aussi à travers ça, c'est que si la sensibilité des gens augmente, ben là, ils veulent avoir plus de respect. Oui, mais pourquoi Black Lives Matter? Pourquoi pas Humans Matter? Oui, Déjà, exactement, ça ça serait crée. plus inclusif. C'est comme une ségrégation volontaire. Oui, je comprends. L'appellation, ce que la vie des Noirs compte, mais tu devrais dire toutes les vies humaines comptent tant qu'à y être. Ouais, puis j'ai trouvé ça particulier de regarder un petit peu des articles sur les arrestations des gens dans ces manifestations-là, puis j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de blancs. OK. J'ai trouvé ça intéressant, comment ça se fait qu'il y aurait des blancs qui se feraient arrêter là, qui sont pour Black Lives Matter dans une manifestation pour les Noirs, mais ils sont blancs. Je trouve ça bizarre. Ben, il se passe des choses particulières. Il y a eu une manifestation où ils ont déboulonné une statue de McDonald's à Montréal. Les policiers ont resté les bras croisés, ils n'ont rien fait. Puis là, récemment, il y avait une manifestation contre les mesures sanitaires obligatoires à Rimouski. Puis là, les policiers ont dit que la manifestation est illégale. Pourtant, il n'y a pas eu de statue qui a été déboulonnée, ni commerce vandalisé. C'est comme deux poids, deux mesures, là. C'est comme il y a présentement une forte volonté des autorités d'étouffer la contestation qui est faite contre les mesures sanitaire, mais quand c'est la cause de la défense des Noirs contre le racisme, ah, ben là, il peut se passer des incidents. Il y a eu des commerces qui avaient été vandalisés à Montréal, puis les manifestations n'ont pas été déclarées illégales, là. Ouais. Mais à un moment donné, le gouvernement, là, c'est comme une grosse roche de curling, là. Tu sais, t'attraînes pendant un bout, puis à un moment donné, il faut que tu lâches un peu, hop, la porte seule, tu te laisses faire ses affaires, puis tu payes tes impôts, puis t'écoutes pas trop, puis tu fais ce que tu as besoin de faire, tu respectes les gens dans ton environnement, tu respectes les conditions de ton travail. Mais moi, là, toutes les mesures, tu penses que je vais aller lire ça, moi, qu'est-ce qu'il faut faire, puis je devrais-tu aller me faire tester? Fuck you, j'irai jamais me faire tester. Moi non plus, c'est sûr Et qui que mange de la marde, là, voyons. c'est Non, mais tu sais, c'est un manque de respect. L'autre fois, je demandais, parce que pendant un bout, je pensais que les tests étaient mandataires. C'est pour ça qu'il y en avait autant. Fait que là, j'ai dit, si c'est mandataire sur quelle base? Puis là, j'ai posé des questions à des gens qui connaissent ça, puis ils ont dit, ben non, c'est pas mandataire. mais peux-tu définir le terme mandataire? Ben, l'État te donne un mandat d'aller te faire tester, OK, ça puis serait c'est obligatoire. obligatoire, OK. exact. Bon, fait que là, je pensais que c'était obligatoire. Si t'avais été en compte, mettons, t'avais été chez Costco, puis il y a une éclosion chez Costco, ils t'appellent basé sur ta carte parce que t'étais là cette journée-là, puis t'obliges à te faire tester dans les temps d'heure, sinon la police vient chez vous. Je pensais que c'était de même. OK. Mais finalement, c'est sur des bases volontaires, puis les gens y vont. Mais tu sais, moi, j'irais pas. Puis là, ils sont là, ils se plaignent de faire 6 heures d'attente. Là, je suis comme, mais pourquoi tu vas là si t'as pas obligé? Exact. Je comprends pas. C'est comme un. Pourquoi il y a 20, mettons, 25 000 personnes qui se font tester à chaque jour. C'est quoi qu'ils font? Ils n'ont pas de vie. Ben, c'est parce qu'ils font sentir coupable. Si tu te fais pas tester, puis tu entres en contact avec une personne âgée, puis elle meurt, tu es responsable de tout ça. Tu es un méchant. Fait que là, ils font OK. tester. OK. Mettons que c'était le cas, là. Oui. Pourquoi j'ai pas entendu parler de aucun procès de négligence criminelle envers une personne âgée d'une personne dans la population? Zéro. Aucun article là-dessus, aucun procès là-dessus, rien. Fait qu'ils sont pas capables de rattacher. Tous les gens qui sont morts du COVID-19, supposément. Ben, si c'est vrai ce que tu dis, ils seraient capables de le rattacher à quelqu'un qui a le contaminé. Ils sont pas capables de détecter ça. Ben, difficilement, là. Fait qu'en effet, il n'y a pas eu de Ils pourront cas. jamais prouver ça. Ben non. Mais là, ouais, c'est ça, exact. Parce que ça serait complexe, là, à gérer puis à prouver, là. Puis garde, j'ai une théorie que je voudrais apporter pour le plaisir. Oui, vas-y. On va faire de la fantaisie un peu, Ben OK? oui, ben oui. Check bien ça. Imagine, OK, là, que les virus, puis les bactéries, puis tout ça, là, ça n'existe pas. Dans le sens, ça existe, mais c'est toute la même affaire. C'est toute l'énergie, OK? C'est différentes longueurs d'onde. Oui. Bon, la bouffe, ça vibre à un taux vibratoire. Les atomes sont structurés de cette façon-là. Ils vibrent à un certain diapason qui fait que tu as l'air d'avoir un hamburger dans tes mains. Okay? Mais quand on regarde au niveau de la base même de ce que la matière est constituée, c'est des charges positives et des charges négatives. Puis si on regarde ça d'un point de vue électrique, électromagnétique, c'est un courant qui passe. Puis un courant qui passe, il y a toujours une intermittence. Ça veut dire qu'il y a un mouvement d'expansion puis un mouvement de contraction. C'est comme une pulsation. Ça serait quoi? Ça fait une vibration, ça fait une longueur d'onde, ça fait une fréquence. Si, exemple, la Terre en ce moment est en train de changer en taux vibratoire, OK? Parce que Ça se peut, là. Je parle pas d'affaires d'ésotérisme, rien, là. Je veux juste te dire, mettons, là, qu'en ce moment, dans l'espace, il se passe quelque chose avec les astres, avec les planètes, avec le système solaire qui fait en sorte qu'il y a plus d'énergie qui se rend sur Terre. Puis à cause de ça, la vibration de la Terre monte, des événements qui sont mis en mouvement pour créer certains chocs, pour faire vibrer les individus un plus haut taux vibratoire. Puis à travers ce mouvement-là de transformation, bien, les gens souffrent, ils vivent des chocs, ils vivent des maladies, ils vivent des choses, des difficultés, qui fait en sorte qu'après avoir passé au travers ça, puis avoir intégré l'énergie des chocs, leur vibration peut monter puis s'ajuster à celle de la Terre ou celle d'un plan plus Subtil, vaste. oui, c'est Ouais. ça exactement. Donc, ton corps, les cellules dans ton corps sont harmonisées. Donc, moi, j'ai Écoute, c'est de la théorie, là. Puis probablement, peut-être qu'il y a des gens en science qui pourraient me dire, t'as Ben, il pas y en a qui raison. vont parler, par exemple, de l'augmentation de la fréquence de Schumann, qui est Oui. par rapport à la Terre, que le taux a augmenté, là. Ben, c'est ça. Donc, si le taux a augmenté, c'est sûr, étant des êtres électromagnétiques, parce que, Chris, on a un système nerveux central, on produit de l'électricité, on est des êtres de fréquence. D'ailleurs, tout ce qu'on reçoit par nos sens, c'est des longueurs d'onde. Exact. Puis ça se ramène tout à un point culminant qui est au centre des fonctions cognitives comme de l'information. Mais cette information-là, il y en a plus. Puis elle va plus vite. Fait que ça, moi, j'ai l'impression que quand tu vis des chocs de vie, parce que quand j'ai fait un camp d'entraînement en Thaïlande, la première semaine, tu sais, t'arrives là-bas, tu t'adaptes, puis là, tu travailles très fort, les conditions de pollution, l'air est pas bon, il fait chaud, il y a beaucoup de choses, beaucoup de stress sur ton corps, donc éventuellement, tu deviens malade. Puis quand j'ai été malade là-bas, ben j'ai réalisé que c'était à cause de ça. Fait que je me sentais pas malade. Je sentais juste que mon corps avait vécu un gros choc. Puis là, il y avait besoin d'une phase de repos, puis de régénération. Puis là, quand j'ai guéri, je suis ressorti plus fort la deuxième semaine, puis la troisième semaine. Fait que, un peu, si quelqu'un contractait le virus ou quelque chose comme ça, oui, ça peut être une bactérie que t'as pognée dans l'eau, mais c'est toujours pour des raisons d'évolution psychique. Puis si la personne n'est pas capable de bénéficier de l'évolution psychique de l'événement en n'étant pas capable de le lire, ben c'est sûr que l'opposition, mettons, de la maladie va être beaucoup plus difficile puis va sembler dramatique. Mais si on avait un peu d'éducation sur l'importance de la maladie quand qu'on en a une, puis qu'on soit capable de traiter avec ça serait beaucoup plus bénéfique pour notre mieux-être. On serait capable de bénéficier de ça. Tu sais, d'être malade, t'es tout seul, tu files pas, t'as peur, t'es tout seul dans un autre pays, t'as pas d'assurance, tu sais, tu fais genre fuck, man, ça va pas bien, là. Non, Là, faut que tu exact. restes calme, puis tu vis ça, tu vis le choc. Puis à un moment donné, quand tu commences à mieux aller, tu fais comme, hey! Puis là, tu sens la force qui revient. Puis tu dis, Ouais, ben ce Chris, là, qui je suis tue pas, transformé. ce qui ne te tue pas te rend plus fort, là. Il y a un adage qui dit ça. Puis dans certains cas, ça permet justement à la personne d'augmenter son taux vibratoire si elle passe à travers l'adversité, tandis qu'il y en a d'autres qui trépassent. C'est sûr que quand la personne est jeune et a une bonne capacité d'intégration parce qu'elle est en forme puis elle s'entraîne, c'est pas comme si la personne avait 90 ans puis était en mauvaise forme physique. Mais d'ailleurs, tous les contacts sont marqués. Fait que ça, c'est plate, mais c'est de même. Les gens qui ont à vivre des contacts, ils vont le savoir dès le bas âge de leur vie, à travers des expériences particulières, de différentes natures. Puis ça va les marquer pour un processus de vie qui va être marginal, mais qui va être vers le développement ou l'harmonisation de l'ego avec son esprit. Dans le sens que l'ego étant une lentille, juste une manifestation des plans invisibles dans une matérialité, ben tout ce qui va se nettoyer dans l'âme va pouvoir se transparaître à travers l'ego, puis il va avoir un fonctionnement beaucoup plus équilibré entre. Ça va être comme un ego qui est à l'écoute, un ego qui est à l'observation, un ego qui est beaucoup plus dans qu'est-ce que la vie essaie de me dire, puis essayer de traiter de façon créative avec tout ce qui se passe dans ton environnement. Pour rendre les échanges avec les gens riches, pour rendre le travail de l'abondance, puis que ça soit plus du travail, pour que tu ailles travailler, puis que tu t'en rendes pas compte que tu travailles, parce que ce que tu fais, c'est ce que tu aimes, puis que tu le ferais de façon bénévole. Puis, je pense que ça va nécessiter que les gens sortent de leur zone de confort, puis osent essayer des nouvelles choses, osent essayer des nouvelles technologies. Quand j'entends parler, là, de Je vais prendre ça comme exemple, mais c'est pas que je veux dire qu'il a raison ou il a pas raison, mais quand Donald Trump dit à la population américaine, écoutez, j'ai eu la COVID-19, que ce soit une pièce de théâtre ou non, puis qu'il a pris un médicament, puis ça l'a aidé, puis il est top shape, que ça soit bon ou pas bon, là, on peut-tu l'essayer? Au lieu de dire c'est un mange-marde, puis c'est un menteur, puis il n'y a aucun médicament qui marche, puis ça se peut pas que ça marche. On peut-tu faire des tests? On peut-tu avoir un peu d'espoir dans certains médicaments au lieu d'attendre passivement un vaccin qui va probablement nous démontrer un manque d'efficacité de façon importante? C'est ça, Parce le que fameux Regeneron, en effet, on devrait le tester au lieu de dire, ah, ben là, c'est y a eu des gens qui ont fait des articles, mais là, probablement que ça va coûter cher, ça va être ci, ça va être ça, mais qu'on le vérifie, en effet, je suis 100% d'accord avec toi. moi, j'ai parlé avec un médecin que je connais qui fait des cours de boxe avec moi, puis il me disait, j'ai parlé d'hydroxychloroquine, puis le gars, il est très scientifique, puis il m'a dit, non, ça marche pas. Là, je dis, pourquoi ça marche pas? Il dit, ben, il y a des études qui ont fait avec certaines personnes à 1000 puis à 2000 mg, puis apparemment, ça propulsait des problèmes cardiaques chez certaines personnes du groupe d'âge de 70 ans en montant, qui pouvaient interagir avec certaines médications, ce qui faisait en sorte que les gens pouvaient mourir du cœur à cause de ça. Bon. Fait que là, j'ai dit, dans le fond, l'hydroxychloroquine, ça marche pas pour les gens de 80 ans environ. Il dit oui. OK. J'ai dit, pourquoi qu'on l'utilise pas en bas de ça? Il dit, ben là, il n'y a pas d'études qui l'ont prouvé que ça marche. Pourquoi qu'on n'en fait pas? C'est quoi qu'on a contre des médicaments qui existent là, en vente? C'est ce mouvement-là qui est abrutissant. Mais c'est de C'est comme. regarder derrière ça, c'est intéressant parce que Il y a t'as des le... risques. Écoute, il y a des gens, il y a des centaines de milliers de personnes par année qui prennent des antidépresseurs puis qui se suicident à cause de ça. Puis on n'a pas arrêté de vendre des antidépresseurs, puis on n'a pas banni les antidépresseurs. Ben, je Ils dirais pas sont que en c'est vente nécessairement la libre. cause du suicide, mais ça l'a pas empêché le suicide, la nuance que je ferais. Écoute, je vais te dire une chose, là. Si tu connaissais quelqu'un qui était là-dessus, tu comprendrais exactement ce que je veux dire par c'est facile de se suicider. Les gens sont dans une telle graisse de bine cérébrale que c'est très difficile pour eux d'avoir une force oppositionnelle pour régler des problèmes. Fait que les problèmes, ils s'empilent. Mais ils sont juste plus capables de les sentir. C'est vraiment dangereux, ça. Puis ça a des risques à long terme. Mais bon, on parlera pas des antidépresseurs, on va parler d'hydroxychloroquine. Moi, je connais pas ça. J'ai pas étudié l'hydroxychloroquine. Tout ce que je dis, c'est que ça vaudrait peut-être la peine d'essayer de trouver une façon que ça soit utile pour aider certaines personnes au pire. Mais Exact. non, si ça ne marche pas de façon absolue, on ne l'utilise pas. Puis ça, c'est vraiment un grand manque de discernement des instances de la santé, parce que quelqu'un qui est scientifique utilise les choses pour des utilités particulières. Il est capable de nuances, exactement. Mais c'est C'est sûr qu'en lien ça. avec le dossier de l'hydroxychloroquine, qui est quand même un dossier chaud depuis plusieurs mois, avec Didier Raoult, qui est le virologue international, là, qui veut mettre cette solution-là de l'avant en Europe, c'est que la particularité, c'est que, dans le fond, si ça fonctionne, ça met tout en échec les efforts puis les dépenses du lobby pharmaceutique qu'eux autres, ils dépensent des millions de dollars présentement pour produire un vaccin. Fait que là, si ça marche, ben là, tous leurs efforts pour développer le vaccin tombent à l'eau. Fait que c'est possible qu'il y ait des gens qui s'opposent à l'hydroxychloroquine, qui soient des pro-vaccins, qui font partie de ce lobby-là pharmaceutique, parce que ça va à l'encontre de leur solution. Ben, mais c'est évident que c'est un problème financier. Parce que notre société, c'est un problème financier. C'est des gens qui s'arrachent l'argent. Dans une compagnie pharmaceutique qui fait déjà des milliards et des milliards et des milliards de dollars par année, ça te tente-tu juste de te calmer les nerfs? Tu sais, à ce que je sache, là, Pfizer n'était pas en faillite, là. Non, c'est ça, mais ils Fait en veulent tout le temps que. plus. C'est ça l'affaire de l'ego puis de Ouais. l'orgueil. Ils en veulent tout le temps plus d'argent, fait Mais que. ça, c'est la responsabilité de la population de s'éduquer, de savoir comment ça marche, l'être humain, puis de comment que ça marche, comment qu'il faut, c'est quoi la santé? Parce que le monde, il pense que la santé, là, c'est d'être capable d'aller travailler, puis d'être capable de faire tes tâches quotidiennes, puis c'est tout. Puis t'es capable de tenir debout, là, sur deux pieds, là, puis t'es capable de tenir un speech, là, moindrement cohérent, là, puis faire un travail pas trop compliqué. C'est pas ça, la santé. Ça, c'est l'existence. Ça, c'est une coquille vide qui existe, qui ressent pas, qui vit pas, qui goûte pas à des expériences qui sont vraiment profondes, qui veulent dire quelque chose qui ont une grande valeur. des expériences de grande valeur, d'intimité avec soi-même, peuvent pas sentir ça. C'est sûr que c'est pas tout le monde qui a une conscience multidimensionnelle qui leur permet d'apprécier le réel, puis un niveau élevé C'est pas le temps. d'introspection. Comment? C'est pas le temps. C'est pas le temps de ça. Les gens ont besoin, pour le moment, de souffrir. OK, fait qu'à ce moment-là, que la crise continue, puis. Ouais, mais qu'est-ce que tu veux faire? Ben, t'as pas tort, tu sais. Je vois pas vraiment de solution miracle pour la sortie de la crise, là. Moi, je parle avec tout le monde, puis je suis pas gêné, puis j'ai pas arrêté. Écoute, je fais tous les médias conventionnels et non conventionnels à tous les jours depuis le mois de mars, OK? Je suis sur Twitter, je regarde tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, j'étudie tout, je regarde tous les débats présidentiels, je regarde tout ce qui se passe, puis je l'observe. Fait que je suis capable de quantifier de l'information qui vient de plein de places, puis de faire des liens. Puis les liens que je suis en train de faire, c'est qu'il y a un gros, gros, gros changement qui est en train de s'opérer, puis c'est passé sous la couverture d'un virus, mais c'est un changement qui est nécessaire parce qu'on s'en allait dans un mur. Mais c'est quoi ce Donc, changement-là, justement? c'est un changement vers de la simplicité. Mais je suis pas capable de t'expliquer exactement la forme que ça va prendre au niveau matériel dans notre société, mais c'est un mouvement qui va vers la simplicité, dans moins de complexité, dans plus d'efficacité, les choses vont se faire mieux. Tu sais, il va y avoir plus d'espace pour agir, plus d'espace pour faire certaines Mais choses. c'est drôle parce que c'est le contraire de qu'est-ce qu'on voit au Québec depuis les derniers mois, où il y a de plus en plus de contraintes, fait que ça devient de plus en plus compliqué voir les membres de la famille, puis là, faut que tu sois à 2 mètres, puis là, pas plus que Ouais, deux mais il faut être familles. patient, il faut être patient. Ça prend du temps pour mettre du monde à bout. Écoute, OK! il y a des gens là, ils ont pas toutes la même. Moi là, j'ai le feu au cul, OK. Oui. Moi là, j'étais à job là, puis dès que quelqu'un va me dire "Ah, moi je porte le masque pour pas Écoute, je vais toujours le respecter, mais si quelqu'un essaie de me mettre dans un coin là, il est fini. Il est fini parce que j'abdicterai jamais à des affaires qui sont pas fondées sur le meilleur résultat possible. Fait que tu défends ta position, puis tu fonctionnes avec ça, puis tu es capable d'échanger avec tous les gens dans ton environnement, puis de pas avoir de conflit. Mais même si le gouvernement augmente ses mesures, c'est à nous de se rendre libre dans notre vie, dans notre environnement, d'être créatif, de se créer des travaux, de changer de job, de faire d'autres choses, d'apprendre quelque chose de nouveau. Il faut se renouveler. C'est ça la nature de la confiance. Puis les gens qui souffrent présentement, c'est les gens qui sont pas capables de se renouveler. Oui, c'est sûr que les gens qui sont attachés à l'ère pré-COVID, puis qui voient leur façon de faire chambarder, puis se renouvellent pas, ben c'est ça. En effet, ils sont confrontés à beaucoup de souffrance. Tu sais, la personne qui est habituée d'aller à l'église tous les dimanches, puis elle peut plus y aller, ou là, elle peut y aller, mais avec des contraintes extrêmement strictes, c'est sûr que si elle résiste au changement, ben en effet, elle va souffrir. Ouais, puis tu sais, quand il faut que tu te fasses chier pour aller dans un commerce, tu y vas moins souvent, tu y vas juste quand t'en as vraiment besoin. Oui, exactement. Ça, c'est intéressant, cet aspect-là, parce que j'ai discuté avec des gens de mon environnement qui pouvaient aller passer, par exemple, toute une journée pendant la fin de semaine, aller magasiner des vêtements, aller voir les électroménagers, puis là, ils vont juste à l'essentiel. C'est ça. Ouais. C'est parfait. Puis Parce on. qu'il y avait il y Oui. a du gaspillage, il y avait trop de gaspillage. C'est ça, il y a moins de gaspillage d'énergie. Puis là, on voit des centres d'achat qui sont vides, on voit la fermeture aussi de commerce. Mais c'est ça, les gens vont plus à l'essentiel au lieu de passer du temps à dire, ah ben, je veux-tu ce manteau-là ou pas tel autre? Puis là, je vais faire le tour des magasins, voir si c'est le meilleur achat. Puis, ouais. Ouais, puis de toute façon, les gens achètent en ligne beaucoup, là. Tu sais, moi, je me fais plus chier pour aller dans les magasins, là. Non, exactement. C'est sûr que les grands gagnants présentement par rapport à la crise, c'est tout le secteur du numérique. Donc, Mais Google, sais-tu quoi? oui. Ça devrait être de même parce que une source centralisée d'achat Internet pour le monde, ça serait extraordinaire. Imagine, check, je parle ça, là, encore, je fais une vision, là, pour le plaisir. Imagine, là, une entité, là, OK, mais pas nécessairement qui est contrôlée de façon corrompue comme on a aujourd'hui, mais tu sais, une entité qui gère toutes les ventes de toutes les affaires que tu peux acheter. Puis tu as juste à écrire la chose que tu as besoin là-dessus, puis elle est disponible, puis elle vient de n'importe où dans le monde, puis tu peux la faire venir chez vous, puis il y a comme un système de simplification. Ça veut dire que T'as plus besoin de payer une douane de là à là, puis ça coûte ça, puis là, elle peut pas aller dans tel pays, puis cette affaire-là, ça peut pas être là, puis là, tu peux pas écouter telle vidéo dans tel pays. Tu sais, il y a comme une standardisation de qu'est-ce que tu peux acheter, puis bénéficier des différents pays, mais c'est une plateforme centralisée. Il y a quelque chose d'intéressant dans la centralisation des ressources, mais ça ne doit pas être contrôlé par une personne qui est parasitée. C'est ça le problème. Qui est Parce que, orgueilleuse. ben oui, tu sais, comme Walmart, le concept de Walmart, c'est hot. Si tu vas là, tu vas faire des épiceries, tu ramasses des vêtements, tu ramasses des bas, de la bouffe à chat, du papier de toilette, puis tu retournes chez vous, puis tu as fait one-stop shop. Mais Exactement. le fait que plein de petits commerces locaux puissent pas vendre leurs items, au pire, s'ils les font eux-mêmes maison, les vendent à Walmart pour que le monde puisse les acheter chez Walmart, par exemple, ben là, c'est Walmart, mettons, va ch aller chercher certaines personnes spécifiques selon qu'est-ce qu'il veut. Fait que là, les commerces locaux, ils vont comme perdre. Mais aussi, ce que je remarque, c'est que les commerces locaux qui sont vraiment très créatifs ou qui offrent un produit de très haut de gamme, eux, ils sont en effervescence en ce moment. Tu sais, mettons ici dans le coin, il y a une petite boulangerie, là, puis ils vendent tout. Si j'ai le malheur d'arriver là à 4 heures l'après-midi, il n'y a plus de pain. Faut que ce que ça veut dire, c'est que le monde, ils sont à la recherche de bons produits de qualité, puis sont prêts à payer. Mais il faut que ça soit fait, il faut qu'on soit assez créatif pour offrir des produits, puis offrir des services qu'on a le goût d'avoir. Tu sais, si tu as le goût d'avoir un restaurant de ça, fais-en un restaurant de ça, puis d'encourager cette économie-là, de renouveler notre économie basée sur qu'est-ce que nous, on a de besoin, puis se donner ce qu'on a de besoin entre nous, au lieu d'être toujours être dépendant d'ailleurs, tu sais. Ben, quoi D'avoir des que. poivrons qui arrivent du Mexique, tu sais, Chris, voyons qu'on n'est pas capable de faire des serres intérieures avec la géothermie, est-ce que investir, oui, des milliards de dollars, mais Chris, au moins, ça va servir à quelque chose. Oui, non, je comprends ce que tu veux. C'est sûr qu'on n'a pas l'autonomie alimentaire ici au Québec, là. Mais pour en revenir à ton idée d'avoir, par exemple, un site de commerce en ligne centralisé, mettons, comme mondial, moi, c'est sûr que cette optique-là, je trouverais ça intéressant, mais dans l'optique, ça serait géré par le gouvernement supramental ou la régence planétaire, parce que si des gens qui sont orgueilleux, ils peuvent utiliser ça comme outil de domination. Puis là, en Ben, il fonction, est là, mais on est déjà là-dedans. c'est ça le problème. Parce qu'ils contrôlent déjà l'information, puis dominent déjà l'information, puis les produits, puis ce qu'ils veulent vendre, là, là, là. Fait que ça marche pas. Mais ça va aller vers ça. Quand je te dis qu'ils me disent que la simplicité, c'est le modèle à venir, ça va faire partie de ça. L'unification des ressources, l'unification des finances, une certaine. Oui, ça va être corrompu au début, mais ça va s'en aller éventuellement vers de l'ordre. Parce que ça ne peut pas aller autrement que là. OK, fait qu'autrement dit, l'objectif 2030 par rapport aux objectifs globaux qui sont en lien avec les puissances mondialistes, donc tu sais, chaque personne a accès à l'éducation, des soins de santé qui vont dans l'optique d'une espèce de gestion mondiale, de gouvernement mondial. Pour toi, dans le fond, c'est une bonne chose que ça aille dans ce sens-là. Que ce soit une bonne chose ou une mauvaise chose, moi, j'en ai pas d'opinion parce que moi, j'ai pas de contrôle sur le devenir du mouvement. Mais moi, je peux te dire que je vois que le mouvement, malgré pollué, il peut être présentement et dans le futur. La simplification de la forme, c'est la base de la conscience supramentale. C'est de rattacher tout à un tout, à un absolu. Le Exact. savoir absolu, la centralisation de l'information, un canal qui passe, qui reçoit toute l'information. Fait que pourquoi pas des systèmes qui fonctionnent de même? Parce qu'il y a des principes de vie qui sont universels. La nature, ça fonctionne de même. Un animal, ça vit de même. Puis ça, t'sais, il y a des principes de base qu'on comprend. On a juste à exploiter les principes de base de façon à ce que la nature, comment elle fonctionne, elle. Ça veut dire que si tu as des régions qui ont full le soleil, ben tu mets plein de panneaux soleil là, puis là tu utilises ça, tu fais du courant, puis là tu dessers du courant partout. S'il y a une autre place, tu peux faire telle énergie, tu fais ça. Puis éventuellement, quand ces institutions-là roulent tout seuls, puis ils récupèrent plus autant d'argent que quand ils ont été en développement, ben là, tu peux relayer ces personnes-là, de ces personnes-là, dans d'autres constructions de projets ailleurs dans le monde. Puis, tu sais, de simplifier, de pas tout le temps être ah, là, je peux pas travailler là, ah, ça, je peux pas faire ça, ah, ça, je peux pas. C'est toujours tu peux pas, tu peux pas, tu peux pas, montre-moi ton passeport, mets tes doigts là, regarde là-dedans. Tu sais, c'est comme ça, c'est pas bon pour l'économie. Si tu veux être milliardaire, si les grandes institutions veulent faire encore plus d'argent, il faut qu'ils simplifient, il faut qu'ils rendent accessible. Oui, ben on le voit dans le domaine du commerce en ligne. Tu sais, au fil du temps, dans le secteur de l'informatique, les interfaces pour faire une commande sont beaucoup plus simples aujourd'hui qu'elles l'étaient autrefois. Écoute, c'est incroyable. L'informatique, ce que tu as pour 1 000 $, mettons, en carte graphique aujourd'hui sur un ordinateur, là, versus il y a 10 ans, c'est incroyable la différence de la technologie, là. Tu sais, tu payes le même 1 000 $, puis tu as genre des années-lumière de différence en vitesse, en efficacité, puis en optimisation, puis en refroidissement, puis en ingénierie de l'architecture des processeurs dans les cartes graphiques, dans les processeurs d'ordinateurs, autant avec Intel que AMD. Puis tu vois qu'il y a un grand mouvement vers l'amélioration, puis l'accélération des processus, puis la simplification des processus, parce que si tu as une machine qui peut résoudre des équations mathématiques très vite, tu peux simplifier ta vie. Mais le but de simplifier sa vie, c'est pas de devenir paresseux puis de devenir complètement dans un état apathique devant des technologies puis de laisser les technologies faire tout à notre place puis nous autres on fait rien. C'est de se désembourber. Tu sais, l'intelligence artificielle, si elle avait une utilité, ce serait pour runner des grands systèmes informatiques qui régissent certaines data. Il n'y a pas d'humain qui aurait interféré là-dedans parce que l'intelligence artificielle serait suffisamment perfectionnée pour runner les lignes de commande puis les algorithmes de façon sans interférer de façon émotionnelle, que ce soit très juste. Ouais, très objectif. C'est sûr que si, par exemple, avec l'intelligence artificielle, il y aurait un réseau de mis en place d'automobiles autonomes, ça éviterait les erreurs émotives que quelqu'un, par exemple, qui fait un accident d'automobile parce qu'il était distrait, parce que il vient d'apprendre qu'il a perdu son travail puis il est en crise. C'est ça. Par contre, Mais c'est en même sûr temps, qu'il y a il y a des dérives puis il y a des dangers là, par rapport à ça, là. l'homme ne pourra jamais développer des technologies pour s'empêcher de mourir dans la matière, parce que son évolution n'est pas dans la matière, mais son processus présent est dans la Ben moi, matière. j'apporterais comme nuance que l'homme peut évoluer temporairement dans la matière. Qu'est-ce que tu veux dire? Parce que je Ben, comprends un peu ce que tu veux dire, c'est là, mais je ça, ne sais pas si c'est mais vraiment ben, le ça. processus de la fusion, là, entre Ouais. l'âme puis l'esprit, ça prend l'interface médiatrice du corps physique. Pas le choix. Ben c'est ça. Fait qu'autrement dit, le passage, pour moi, dans la matière, c'est un passage obligé, mais c'est pas la destination finale parce que c'est juste temporaire. C'est comme un enfant qui passe par la maternelle, puis à un moment donné, il va dans une école plus sophistiquée. Ben oui, tu sais, c'est très abrutissant de penser que quand tu vas mourir, c'est fini, là. Tu sais, c'est comme, faut vraiment être orgueilleux pour penser comme ça, là. La vie, c'est tellement haut en amour, c'est tellement intelligent. Dans les pires moments de souffrance, tu reçois le plus de paix. Dans les moments où ce que ton corps physique meurt, tu reçois le plus de sérénité, puis de savoir, puis de conscience. Fait que la vie, c'est pas cruel. C'est Ben, nos ça pensées qui dépend. sont Par rapport cruelles. à ça, tu sais, après tout, t'as des gens qui décèdent, puis là, ils vont hanter des lieux, puis c'est des esprits errants, tu sais. Oui, mais ça, c'est pas un problème. Ben, pour les gens qui connaissent des problématiques où ce qu'il y a des fantômes puis des entités dans leur résidence, tu leur parleras de ça, que c'est pas un problème. Seulement dans la mesure où ceux qui n'ont pas l'identité nécessaire pour confronter ces entités-là, puis les amener au-delà de ces couches astrales-là qui sont proches de la matière. Parce que si les gens avaient une certaine médiumnité, mais ils seraient capables d'interagir avec ces entités-là, puis de dire, regarde, je comprends là, que tu es frustré d'être mort, là, mais tu es mort. En ce moment, dans la maison, c'est pas la meilleure place pour être là. T'sais, parce que là, tu fais du bordel, ici. Puis toi, tu te sers pas, t'as pas l'air bien, là. T'sais, quelqu'un qui est bien dans sa peau, là, monsieur l'entité, là, ça lance pas des pots à terre. Parce que c'est une perte de temps. T'es dans ton corps astral. Profites-en donc pour aller voyager. Là. Garde là-bas, là. Là, tu y pointes. Là, tu dis, garde, va dans ce direct. Garde, va là, c'est beau là-bas, là. Puis là, il part. Puis il s'en va. T'as la crise de paix. Puis là, la maison est clean. Mais le monde, il croit pas à ça. Oh, moi, je crois pas à ça, les fantômes. Ouais, ben, t'es parasité dans ton mental pendant des années parce que t'as des entités dans ta maison. Puis là, tu vas dire que c'est de la faute, je sais pas de quoi, là. Mais les gens, qui ont des entités qui habitent des maisons hantées, faut que tu leur dises de s'en aller. Exactement. Mais sinon, pour ce qui est du développement technologique, on parlait de ça tantôt, puis moi, je voulais t'entendre par rapport à l'identité numérique. C'est-à-dire que présentement, il y a des projets qui sont faits, notamment par le gouvernement du Québec, mais aussi un peu partout dans le monde, pour que chaque citoyen ait accès à une identité numérique qui se rattache à lui. Puis je voulais savoir ce que ça te disait par rapport à ça. Ben, ça me dit que c'est juste une évolution technologique de la matière, dans le sens que on a passé de des formes papier d'identification telles un passeport ou un permis de conduire ou une carte d'assurance maladie, puis Oui. que là on passerait vers une identité numérique qui pourrait être stockée, mettons, dans un nuage là, mondial d'informations, probablement pouvoir être espionné par tout le monde, puis être utilisé par tout le monde pour n'importe quelle affaire. Mais chose certaine, c'est que c'est sûr que ça va aller vers ça parce que on restera pas dans des formes papier forever, là. C'est impossible. Non, exactement. C'est sûr qu'on assiste à la dématérialisation de l'économie avec le commerce en ligne. Puis on assiste aussi à la virtualisation, c'est sûr, de l'économie, mais ça va être aussi nos données personnelles. Sauf que la problématique par rapport à ça qui peut arriver, ben c'est le piratage, le vol de données ou effacer quelqu'un du système. T'sais, si quelqu'un ne fait pas l'affaire pour un pays, un peu comme on le voit avec la Chine et le système de crédit social, ben, la personne n'est pas effacée, mais elle perd des Il y droits, a tu sais. trop de lumière dans les pays occidentaux pour que ça puisse arriver. Mais pourtant, c'est dans les mêmes pays occidentaux. Si on regarde la France où ce que le couvre-feu, puis qu'il y a eu des vols Je t'ai dit d'identité. tantôt qu'il fallait être patient. OK. C'est pas quelque chose qui va arriver demain matin, là. Les gens vont pas être fâchés demain matin. Ça va leur prendre du temps. Il va falloir qu'ils souffrent. Parce que quelqu'un en ce moment qui est à l'aise avec le masque. Oui. Il n'a pas assez souffert encore du masque ou d'une mesure quelconque. Il n'est pas encore saturé de la forme. Il n'a pas encore saturé de la forme. Ou bien, il se fait à croire qu'il respecte les mesures puis qu'il ne respecte pas en réalité. Un des deux. Mais dans les deux cas, éventuellement, ça va venir à ce que soit personne ne va respecter les règlements ou il va vivre une frustration puis il va en venir éventuellement à vouloir arrêter ça ou changer certaines conditions. Parce que tu sais, tu pourras pas étouffer la population de même pendant 10 ans. Oublie ça. Il y a un point de rupture. Mais il faut être patient. C'est sûr que si on regarde avec ce qu'on a en ce moment, puis on fait des prédictions futures, puis on essaye de se faire peur, avec toutes sortes de conneries, là, de puces, puis de ci, puis de ça, ben moi, je trouve que les gens, ils virent sur le top, là. Oui, mais en même temps, la technologie permet ça. T'sais, si on regarde le documentaire, là, tous 7 milliards d'habitants sur Terre, tous surveillés, où on voit en Chine le système du crédit social où les gens sont Mais qu'est-ce sur. que ça te fait d'être surveillé? T'es déjà surveillé 24 heures sur 24 par des forces. T'es déjà surveillé par des extraterrestres. T'es déjà surveillé par des entités. T'es déjà surveillé. T'es aucunement libre, là. Personne de libre. Tout est su, tout est connu, tout est écrit. Tout est déjà dans un processus Ben architectural de moi, ça me crée une perfection. lourdeur énergétique supplémentaire. Le fait que, par exemple, si je traverse la rue, un peu comme dans le système du crédit social, tu peux avoir un ticket qui est Parce que t'es émis. devenu trop obéissant, t'as toujours été trop obéissant, c'est ça le problème. T'es trop obéissant, tu respectes trop les règlements. OK. C'est ça ton problème, c'est que il y a une place. Respecter les règlements, oui. Moi, quand je vais chez Walmart, je mets mon masque, mais je mets mon cache-cou, ça fait la job, personne ne m'avertit, y a pas de problème. Je fais ça depuis des mois. Mais à ma job, je le porte pas de problème. Je crée pas de conflit avec Oui, mais tu personne, je fais respectes juste la répondre à des loi parce besoins. que techniquement, le décret, je l'ai vu, puis la personne qui est sur son lieu de travail est pas obligée de porter le masque. Bon, mais pourquoi t'as un problème dans la vie d'abord? Si tu portes pas de masque à la job puis que tu vas chez Walmart puis tu le portes 5 minutes, ça fout quoi? Ben, c'est parce Comment tu peux avoir une lourdeur? que ça me crée une contrariété. Je peux pas respirer normalement. Pendant 15 minutes? Dans ce cas-là, je te donne raison que le préjudice est pas très élevé. Par contre, Achète-toi un cache-cou en laine de mérino, tu vas respirer très bien puis tout le monde va penser que t'as un masque. Tu sais, il faut être créatif. Moi, je solution respire très bien avec pratique mon cache-cou, puis en intelligente. plus. Comment? T'as une solution pratique intelligente. Il faut que je te le donne. Moi, tout le monde porte des vrais masques. Moi, je veux pas porter un masque. Premièrement, c'est l'identité de ce masque-là. Je trouve ça tellement abrutissant, là. Tu sais, à chaque fois que je vois quelqu'un avec un masque bleu, là, je suis comme genre, mon Dieu. Ouais, les masques Mon de Dieu. procédure, les masques de chirurgicaux, tu respires moins bien dedans là, que d'autres en tissu, là. Ah ouais, puis il porte très bien, là. Tu sais, il est tout bien fermé, là, pour être sûr, là, de suffoquer comme faut, Tout là. est hermétique, puis après ça, on se Ouais. ramasse avec des cas que des gens qui se ramassent avec des boutons là, proche de la bouche, puis des problèmes de Écoute, peau. tout ce que je démontre en ce moment, c'est que moi, je fonctionne dans la société présentement. Oui. J'utilise un peu les failles du système. Puis, J'ai pas créé aucun conflit avec personne, puis j'ai pas gêné, il y a rien qui est arrivé, j'ai pas pogné d'étiquette, j'ai rien eu. Puis je pense que les gens qui vont être comme toi, qui se conscientisent, puis qui ont de plus en plus de contact avec leurs sources, ils vont avoir les ressources pour pas se faire chier là-dedans. Moi, je me fais pas chier, là, tu sais. Moi, tu penses-tu qu'ils me font peur avec leurs conneries d'étiquette puis leurs affaires, là? Tu sais, j'ai vécu des affaires dans la vie pas mal plus effroyables puis pas mal plus épeurantes que le COVID-19. Là. Moi, le COVID-19, là, ça rank même pas dans le top 20 là, des affaires difficiles. Là. Fait que je comprends qu'il y a du monde que c'est une grande épreuve de vie, là, mais c'est à l'échelle de ce que vous avez à vivre. Non, exactement. Puis c'est en fonction des antécédents de chacun. Tu sais, la personne qui a toujours été dans un confort matériel relatif avant la crise n'a pas eu trop d'obstacles. Tu sais, je veux dire, on n'a pas connu dans le passé, ici au Québec ou dans des pays occidentaux, de guerre civile ou de problèmes de famine. Ben là, du jour au lendemain, tu as moindrement une crise. Tu n'es pas préparé ou tu n'as pas d'antécédents similaires. Fait que là, ça peut créer des chocs. Pour certaines personnes, là, tu sais, surtout les enfants rois, là, tu prends ces enfants-là rois, là, puis là, tu leur dis, ben, tu vas falloir que tu portes un masque à 2 mètres, puis là, tu les amènes dans des mesures un peu comme si c'était des prisonniers ou des êtres hautement toxiques. Hey, c'est quelque chose. Ouais, mais tu sais, c'est parce qu'on se rappelle pas depuis quand qu'on est emprisonné. On pense qu'on est récemment emprisonné. On n'est pas récemment emprisonné. Écoute, il fut une époque, là, il n'y avait pas de centre d'achat. C'est intéressant, ça. Pas de centre d'achat. Ça veut dire que tu fais quoi dans la vie? Il n'y a pas de centre d'achat. Tu consommes pas. Tu as un mode de vie différent. Par moment, tout d'un coup, les centres d'achat existent. Puis là, le mode de la consommation existe. Puis là, c'est une nouvelle vie. Puis après ça, il y a genre plein de centres d'achat dans plein de places différentes. Puis là, il y a des parcs d'attractions. Puis là, il y a ci, puis il y a ça. Puis là, le monde vient tout. Mais ils réalisent pas qu'ils se sont fait leurrer dans un système depuis très longtemps, depuis après la Deuxième Guerre mondiale. Puis ils sont partis, puis ça fait longtemps, puis on est là-dedans. Puis là, ça fait juste. C'est une grosse bulle qui grossit, puis qui grossit, puis grossit. Puis là, ils sont sur le bord de péter. Oui, une société de surconsommation du futile, puis c'est pas en lien avec des besoins réels, tu sais. En tout cas, tu sais, c'est pas besoin d'aller dans des manèges au centre d'achat pour être en santé, là, tu sais. Exactement. Mais tu sais, je regardais ça, l'inflation de la bulle, tu sais. À un moment donné, il y a quelques années, j'étais en centre d'achat, puis là, je voyais une boutique, puis ce qu'elle faisait, c'est qu'elle vendait des étuis pour mettre des téléphones intelligents. Fait que là, je me dis, quand tu es rendu, que tu vas à une boutique, puis il y a un marché pour ça, parce qu'en soi, la boutique n'existerait pas, avec des étuis de différentes couleurs, différentes formes. Bon, c'est sûr, sur le plan esthétique, ça peut être beau, mais tu sais, moi, je voyais comme pas la pertinence, mais bon. Ben, c'est ça. C'est qu'à un moment donné, c'est pas de décider c'est quoi qui est pertinent ou pas pertinent. C'est plus de laisser les choses s'opérer d'elles-mêmes, tu sais, dans le sens que, ah, il n'y a plus de demande pour ça. Faut que se recycle. Faut que ces gens-là, dans ce domaine-là, se recyclent. Écoute, c'est pas la première fois dans l'histoire des temps que l'ère industrielle amène à des pertes d'emplois puis des changements de courant au niveau de la Oui. société puis des besoins nécessaires pour l'emploi, là. Fait qu'à un moment donné, tu sais, il faut comme. On était un petit peu trop confortable. Tu sais, on était là tout le temps, métro, boulot, dodo, puis divertissement. Puis là, on a tout d'un coup, il faut que je fasse un effort, là. Tu sais, il faut que je porte un masque, puis il faut que je me conscientise, puis il faut que je lise un peu ce qui se passe. Puis tout le monde a été ramené comme hey, regarde, là, il se passe quelque chose. Puis oui, c'est évident que c'est en train de devenir un cirque, là, les points de presse, puis tout ça, là. Tu sais, ils ont des phases d'enterrement, là. Écoutez. C'est vraiment difficile pour moi d'être ici aujourd'hui et vous dire que la situation est grave. Ah oh oui, Il se passe François rien. Legault qui T'sais, tout est prend. chez vous. Tu vas en montagne, il fait beau, les gens sont souriants, tu rencontres des familles dans le bois avec des chiens, tu flattes des chiens, tu vas respirer l'air frais, puis là, tu rentres chez vous et tu vois ça, tu fais comme hein. OK, on vit pas Oui. dans le même. On vit pas sur la même planète, là. Oh oui, mais tu regardes François Legault ou Christian Dubé, ils ont l'air quasiment déprimés, là. Tu sais, c'est comme ils vont dire, ah, le Québec est sur le point de frapper un mur, il y a possibilité de rupture de service dans le domaine de la santé. Fait que là, c'est comme nous vend l'idée qu'on est en crise, c'est très grave, mais c'est vrai que tu te sors dehors, tu te promènes au soleil, c'est correct, tu sais. Il y en a pas de problème dans la vie. Le problème, c'est de croire. Les gens, ils croient des affaires sans vérifier. Parce que ta réalité, c'est ton immédiat. C'est ce qui est dans ta sphère des sens. Puis au-delà un peu au des sens, évidemment. Mais tu sais, tout ce que tu as dans ton environnement, là, si de jour à jour, tu te sens bien, puis ça va bien, puis tu es dans une crise mondiale, puis tout va bien. C'est évident que tu n'as pas le même discours que la personne qui va travailler dans le système de santé puis qui est débordée. Mais à un moment donné, c'est de voir les choses telles qu'elles sont. Tu sais, OK, oui, t'es débordé, mais t'es-tu vraiment débordé à cause de telle affaire ou à cause de d'autres choses? Fait que de ramener ça à une certaine forme d'objectivité, puis de dire, OK, bon, là, ça commence à coûter plus cher ce qu'on fait que qu'est-ce que ça donne. Tu sais, Oui, fait ben c'est qu'il faut. la raison pour laquelle la question se pose, à savoir si le remède est pire que la maladie en termes d'impact socio-économique. Le temps nous le dira. Oui, exactement. Parce qu'il y a des gens qui vont dire que la menace du coronavirus a été surévaluée. Il y en a d'autres qui disent au contraire, c'est sous-évalué, puis ils veulent plus de mesures pour lutter contre le virus, puis plus être dans le contrôle, tu sais. C'est parce que certaines personnes sont devenues psychotiques par rapport au virus, en n'ayant aucune connaissance de microbiologie ou d'infectiologie. Si on regarde la courbe du coronavirus basée sur l'Institut de santé nationale, l'Institut national de santé publique du Québec, on voit la vague du printemps comme étant beaucoup de cas, beaucoup de décès. Bon, on pourrait dire une virulence plus importante. Là, on arrive, l'été, il n'y a rien. Là, à l'automne, il y a une très grande contagion, mais il n'y a pas une très grande virulence. Virulence, ça veut dire la capacité de mortalité ou la dangerosité du virus. Puis là, il y a du monde qui me disent, ouais, mais il pourrait remonter. Il pourrait remonter. Tu sais, ça, c'est pas scientifique. Ça, c'est genre, ouais, mais le bon Dieu pourrait me voir me masturber. Tu sais, c'est vraiment la même. Ça vient de la même place, là. Ça vient d'une fantaisie, ça vient de l'imagination. C'est sans C'est fondement, parce que tu as totalement sans des fondement. corona-anxieux, comme tu as des climato-anxieux qui se développent présentement, c'est-à-dire des gens qui ont peur d'avoir peur. Ben oui, tu sais. C'est comme quand on arrive, là, puis là, Greta a dit qu'on devrait pas voter pour Trump. Hey, ferme donc ta gueule. Tu sais, t'es qui, toi, là, pour me donner un conseil comment vivre ma vie, là? On peut-tu arrêter de nous dire qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse, puis commencer à démontrer les faits? Tu sais, moi, là, je trouve ça tellement fascinant comment que pendant 4 ans d'un mandat présidentiel, on peut dire que des mauvaises choses sur une personne, puis dire juste des bonnes choses sur le parti opposé. Oui, ben ça, on a vu la polarisation du discours des médias au Québec, là, unilatéral, que ce soit TVA, Radio-Canada, qui vont tout le temps chercher à prendre Trump en erreur, puis ils montrent jamais des bons coups, tu sais, il y a pas d'équilibre, tu sais, c'est tout le temps, il fait une gaffe, fait une niaiserie, mais quand il fait des bonnes choses, ah, silence radio. Le gars, il va devant tout le monde, il fait une annonce à la nation, il dit, écoutez, j'ai eu le coronavirus, j'ai été traité dans les meilleurs hôpitaux, on a du monde compétent dans nos hôpitaux, ils m'ont traité avec un nouveau médicament qui est encore à l'étude, qui a fonctionné à merveille sur moi, qui m'a donné plus d'énergie que jamais, puis tu vois qu'il sent bien. Oui. Puis on a dit, c'est un hostie de crosseur, de menteur, de manipulateur. Hey, ça va prendre quoi? C'est qui peut parler des bonnes nouvelles? C'est qui va avoir le droit de donner des bonnes nouvelles? Y a-tu quelqu'un qui a le droit de donner des bonnes nouvelles ou c'est juste des mauvaises nouvelles qui sont acceptées? Ben, c'est tout le temps. Il y a la police de la pensée au Québec. Tu as le discours unique, puis tu sais, tu Oui, mais regardes. c'est des gros pleins de soupe, là, les Oui. gens qui écrivent des colonnes dans les journaux, là, tu sais, genre, et quand Mario Dumont, il dit en onde, les gens, là, qui disent que si pis ça, là, supprimez-les de vos vies, envoyez-les à l'hôpital psychiatrique. Hey, Ouais, quelqu'un disait qui dit ça supprimer des en onde, contacts, là. les gens qui vont pas dans le sens du narratif officiel, là, de priver des contacts des réseaux sociaux, là, pour mettre en contexte ton intervention. Si on le regarde là d'un plan de vue occulte, Oui. l'impact de ce geste-là qu'il a porté, là, il va falloir qu'il te paye. Parce que ça, quand tu émets une vibration comme ça, avec une intensité comme ça, là, tu es complètement possédé, là, puis tu crois vraiment ce que tu dis, là, le coût à payer l'autre bord, là, il est haut. Comme quand tu tues une personne, ou comme quand tu commets des crimes, ou tu viens aller à l'encontre des lois universelles, tu payes un grand coût. Fait que c'est évident, moi personnellement, je regarde ça avec beaucoup, beaucoup. L'espace-temps, pour moi, c'est très vaste. Ça me stresse pas, moi, la longueur d'une vie, là. Je vois pas ça comme ça. Fait que je le sais que ces gens-là, ils vont payer. Fait que moi, je n'ai pas vraiment de haine ou de frustration envers les gouvernements, plus que ça me fait rire. Ça me fait rire parce que je sais le coût que ça coûte à une âme de jouer un rôle comme ça, puis comment qu'elle va devoir payer pour. Parce que tout est équilibré dans la vie. Il n'y Ben, a rien c'est qui est. ça, il y a une responsabilité karmique, que ce soit Mario Toujours. Dumont ou d'autres leaders d'opinion ou même Horacio Arruda. dans la manière que gérer la crise depuis le début. Tu sais, la personne, elle nous dit « Ah, le masque, mettez-vous pas ça, là, vous allez vous contaminer, vous allez toucher partout. » Puis après ça, quelques mois après, non seulement le masque est obligatoire, mais si la personne ne le porte pas, elle peut avoir une amende jusqu'à 1 500 $ dans un lieu intérieur, tu sais. Ça, c'est un manque de respect envers la population. Puis c'est surtout un manque de respect dans la mesure où ce que tu rectifies pas, hey, écoutez, je vous fais un message parce que je sais, j'ai déjà dit telle affaire, mais maintenant, tu sais, tu nous dirais juste, tu ferais juste un message public comme tu as fait avec ton asti de masque, là, où ce que tu prends tes petits doigts potelés, là, puis tu te les mets dans le visage. Là. On devrait te toucher le visage, c'est pas bon. Là. Puis bon, ben, tu fais un vidéo de même, là, avec les petites mains potelées à Arruda, là, puis qui explique son message avec ses gros yeux, là. Puis là, il dit, écoutez, je m'excuse, là, j'ai déjà dit que le masque, ça servait à rien. Puis là, ben, on a des preuves scientifiques que ça pourrait aider un peu, OK? Fait que je reprends, je m'excuse si je vous ai dit ça, mais maintenant, avec ce qu'on a. Les gens le porteraient fièrement. Parce qu'il y aurait eu une certaine forme d'honnêteté, de vulnérabilité venant du gouvernement de dire, regarde, OK, oui, c'est vrai, on a dit ça. Là, ils ont fait abstraction totale, comme s'ils n'avaient jamais dit le contraire. Fait que ça, t'as l'air vraiment d'un esti de cave, là. Tu sais, c'est vrai, là. Sérieusement, n'importe quel, un Alexis Kossep-Trudel qui Mais aurait pour fait lui ça, il donner se serait fait justice surprendre. quand même par rapport à ça, c'est qu'il avait déclaré à un moment donné que les mesures, c'est une évaluation qui est faite jour après jour, puis tout peut changer, là. Il n'y a rien qui est fixé dans le béton, là. C'est Ben, la vrai seule affaire qui est fixée dans le béton, c'est le fait qu'ils n'ont pas de contrôle, que. Ouais, ça, on le voit, là. Tu sais, c'est vraiment de là. l'improvisation. Puis à un moment donné, il avait décrit, il avait dit, en fait, que c'est comme si on était en train de construire un avion en plein vol. T'sais, pour donner une image, pour dire à quel point c'était improvisé là, la gestion de crise là. Ouais. Je pense qu'on n'est même pas en plein vol encore. Je pense qu'on n'a même pas commencé à penser à construire un avion. Je pense qu'on ne sait même pas qu'on pourrait construire un avion. En tout cas, Je pense que tant qu'à moi, là, ça oui. doit être une gang de monde. Là. Je dois avoir une vingtaine de personnes qui se parlent autour d'une grande table, là, toutes bien habillées, là, puis là, ils prennent des décisions ensemble là, sur le mood du moment. Ça file de même. Oui, exactement, parce que la science derrière, par exemple, le port du masque, d'ailleurs, l'INSPQ avait fait une recherche, puis là, ils ont été comme prudents, ils ont été honnêtes en disant, ben, on n'a pas de preuve que ça fonctionne ou que ça ne fonctionne pas après la recherche, le port du masque, là. Tu sais, ils supposent que ça fonctionne, mais ils n'ont pas nécessairement fait des études auprès de populations pour voir l'incidence réelle. C'est sûr qu'on peut dire, ben là, ils n'ont pas le temps, puis là, c'est urgent, c'est en situation de crise, mais là, à un moment donné, les mois passent, là. Il y aura une recherche fondamentale qui s'opère, là, tu sais. Ouais. Mais sur ça, je suis tanné de parler de la crise du coronavirus parce que j'en ai plein mon casque, là, sérieusement. Présentement, il faut contenir le temps. Oui. Présentement, il faut être créatif pour être capable de créer des opportunités dans son quotidien pour se donner du bien-être. Présentement, il faut renchérir les gens avec qui on a de l'intimité ou de la proximité. Faut faire des activités qui nous font du bien. C'est ça qu'il faut faire. Le reste, là, moi, je garde un œil sur tout. All seeing eye on the news, puis les médias sociaux, mais faut pas prendre la vie trop sérieux. C'est. Prendre ça relax. C'est important. Sinon, là, on se rend malade nous-mêmes. Exactement, c'est très bien dit. Puis sur ces mots, je vais te proposer de compléter l'enregistrement d'aujourd'hui. Certainement. Donc, ben avant que je mette fin à l'enregistrement, t'avais-tu autre chose à rajouter? Ben, c'est toujours un plaisir de te parler malgré le temps. Des fois qu'on est hors contact, on revient toujours sur le même diapason. C'est toujours un honneur pour moi de parler avec toi. Oui, puis c'est un plaisir partagé. Donc, ben, j'ai bien aimé l'éclairage que tu as partagé là, en lien avec la crise du coronavirus. Et puis, bien, je te dis à bientôt. À bientôt. Bye bye.